like peeps, people let me. And also to my flow, them and them to me pattern and me style and me stamina. Just to get them autographs, sign them, come on. Get money we are look, we have the anti testimony money. Weight. Not type the money scale, balance height, a plus the weight. Hungry? No, sir. Food of peanut, peanut. That of the up, another nazin, I got you up. Yeah, man. Money of, money of, money, money, money of, we make, make. Push it. Money man, I look so. Money, money man, I look so. Money book it. Money of, money of, money, money of, money of, we make, make. Push it. Money man, I look, man, I look. Money man, I look so. Hold your play tune, play tune. No matter diamond, play tune, play tune. Hold it, play tune, play tune. Some boy, play tune, play tune. Hold your play tune, so. No lady G, just so. No matter diamond, so. No lady sir, just so. Stop, come out, don't waste me time. To me say play, you think a pantomime. Me want mal and we play a good rhyme and big tune line after line. Nobody make mal and rise him nine. Shoot you up with dub in your spine. Sad sound boy, go and go use line. You not ready for this yet, you better reserve. How you play tune, play tune. No matter diamond, play tune, play tune. Quality, play tune, play tune. Sound boy, play tune, play tune. How you play tune, so. No lady G, just so. No matter diamond, so. No lady sir, just so. Come at the dance, I'm a well sweet up. Good clothes, I'm a well neat up. Uncle two dub, and you couldn't keep up, son boy. How really you done how? Bambi. No, how you tell me with their options? I know you really make me happy, sad cuss. How you do? You must be nervous, I'm a blood cell in your nervous. Pour pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Tout chasse avec qui a no car around the world. Pour pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Caribbean girl a no car like the world. Fresh, got diamonds and pearls. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'aille. Et si y'a des suspects, qu'on carré prison girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl a no car around the town. Chaque côté mon passé, mon toujours. Bambi, y'a ça qui a pété y'a tête non-stop. Moi toujours qu'a venu que des different saps. Chaque son, mon cas sorti qu'a baillé different tap. Grand foki, faut pas moller l'homme, mon cas flasque et mon girl. Tout ça savait qu'il y a no car around the world. Faut pas moller l'homme, mon cas flasque et mon girl. Caribbean girl, a no car like the world. Fresh, got diamonds and pearls. Bad girl, qu'a baillé mal dead. Jeans qu'a mal parlé, mais nous pièces pour l'ayer. Et si y'a des suspects, faut qu'a représente gay. Au sound et au platine du Bifort sur Trace FM. La bonne con passe mon voisin c'est ma dame mon mon gars ben back même en barre c'est net moi qui dois sale moi sur mes bocaux mais vous me sa belle pas mon antenne mal je veux non c'est au parmi des lèvres non pas pour l'homme qui t'es sans jouer pas pour l'homme pas toi jouer à deux pas pour l'homme qui t'es sans jouer pas pour l'homme non mais c'est non pas pour l'homme qui t'es sans jouer pas pour l'homme pas toi jouer à deux pas pour l'homme qui t'es sans jouer pas pour l'homme. Yeah. sur Trace FM. Platine du Bifort sur Trace FM. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons, Sabri. C'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Hello. Génération 9-7. Salut. Bonsoir. Calmez-vous. Maintenant, on a la pêche, quoi. Excité. Moi, perso, j'ai le mango, hein. Je mange pas trop les fruits hors saison. Et les fruits qui sont pas du département. Moi, je suis très local. Lui, il a la pêche. On cultive des pêches en local, n'importe quoi. Ouais, où ça? Non. Alors, je serais curieux ça de savoir. Vient de France. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en trouve. Alors attention, c'est parti. Nous commençons cette émission par un petit voyage. Une enquête, précisément. Mais on dirait qu'à Jardiland, j'ai déjà vu des graines pour planter des pêches. Ça veut pas dire qu'il y a l'agriculture de masse. Non, mais est-ce que tu as vu les graines? Oui. Mais est-ce que tu as vu un pied de pêche? Non, j'avoue, non. Donc en fait, à Matoury, est-ce qu'il faut des pêches? Non, je ne crois pas. Non, mais ça pourrait pousser. À Mornalo, est-ce qu'il faut des pêches? D'après moi, ça doit pousser. Peut-être éventuellement à Saint-Claude. Je vois aucun endroit en Guyane où ça puisse pousser. À la Morne limite, Rouge. Je pourrais dire Morne Rouge, tu vois, en Martinique. Mais franchement, honnêtement, à part le mec qui aurait une serre dans son jardin. Avec une glacière. Je ne vois pas comment c'est possible. Enfin, je dis ça, je dis rien. Des Hugo. Pêches locales, frère. Mais tu t'es fait arnaquer. T'achètes que tu piles. C'est pour ça que c'est aussi cher. Ah, tu t'es fait avoir. En plus, tu les as achetés bio ou pas? Oui. 80 euros le kilo, c'était justifié. Bref, on est de retour. Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le choix. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Il y a Hugo. Yo, salut, salut. Qui pense que les pêches poussent chez nous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et qui prend des volets comme ça. Quand il a besoin de se faire corriger par tes parents. Il y a également la Miss Nessie qui est là. Hello, hello. Yo. Mister Sabri. Salut. Le stagiaire Tikam. Hey. Keshi au standard. Yo, vous allez. Et une nouvelle voix féminine ce soir. Salut. Comment t'appelles? Maï. Ah, tu t'appelles Maï? Maï, oui, oui. Et tu as envie de faire de la radio comme ça, sans que j'ai donné mon avis, machin, etc. Tu peux. Tu chantes aussi bien que Christophe. Christophe Maé, voilà. Allez, attention, oh, c'est parti, on est reparti dans le local. Christophe Maé, qui est originaire donc de Basse-Terre. Effectivement. On s'attache et on s'abandonne. Et je n'aime pas. C'est la musique numéro 1, c'est le dancehall en fait de Saint-Claude. Christophe Maé, attention, tu wind ton pom-pom sérieusement sur Christophe Maé. Je crois que je t'ai fait On est ouvert d'esprit ici. Oui, tout à fait. On écoute tout. Tout à fait, à Saint-Claude, ouais, je pense même que vous captez, là où vous êtes placé, vous captez même des radios très très loin. Hein. Mais très oui. très loin. Attends, laisse-moi voir si j'ai un petit Christophe Maé qui traîne. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Tu c'est la dernière de Maé. Qui c'est qui a du Christophe Maé? Toi, tu dois avoir du Christophe Maé sur ton téléphone. Oui, non, non, quand j'étais plus jeune, j'écoutais. C'est-à-dire, il y a un plus jeune. Depuis, il a arrêté de chanter. Ça fait 3 ans que Christophe Maé chante. N'importe quoi. Il était dans une comédie musicale et tout. Il a fait le Roi Soleil, machin. Comédie musicale. Oui, c'est vrai. Non, j'étais fan de Christophe Maé. Il me semble que c'est une comédie musicale qu'il a révélée. Ouais. Effectivement, il doit avoir raison. C'est soit Notre-Dame de. Le Roi Soleil, mon dieu. Ah, c'est toi qui as fait son Wikipédia. Elle est trop bien la chanson. Bon, allez, fais péter un son Christophe Maé, mec. Genre, j'ai ça sur mon téléphone. Mais t'es connu. Assume. Bon, attends, je trouve. Passe-moi ton téléphone. Tiens, passe-moi ton téléphone. Mets-moi le iTunes. On va voir ce qu'écoute Hugo dans son téléphone. Vas-y, vas-y, vas-y. Le bonheur, j'espère. Attention. C'est mignon. Ah oui. Il est où le bonheur? Il est où? Quelle ambiance! Ça déchire! Je fais la manche. Sinon, on peut l'écouter aussi en Dolby Surround stéréo si vous voulez. Hein. Vas-y, branche. Ouais? Non. J'ai pas envie. Je sais pas. Je peux essayer si tu veux. Je peux essayer de le brancher en Dolby Surround, mais je sais pas si ça va marcher avec ton téléphone. Moi, je crois qu'il ne capte pas le Christophe Maé. T'as vu? Regarde. Ah oui, mais c'est ma coque qui est trop grosse. Alors vous êtes. Alors qu'en américain, I have a big cock. Mais lui, en français, tiens, c'est ma coque qui est trop grosse. Alors vous êtes sur Doudou FM. Doudou FM. Chéri FM, Doudou FM. Doudou FM. Doudou FM. Doudou FM. Elle a voulu, tu sais, genre tropicaliser le truc, quoi. Genre. Vous êtes sur Doudou FM. Doudou FM. Radio à blanc local. Et radio à négresse à blanc. Bref, hashtag G97, hashtag Trace FM, 0800 22 103 200, également sur le net www.trace.fm. Bienvenue dans la joie, la négresse pour l'occasion et le métissage. Oui. 0800 22 103 200, ce soir on reçoit les candidates à l'élection de Miss Martinique 2016 ou 2017, j'ai jamais su en fait. Alors, la nana, elle est 2016, élue en 2016. Mais on prépare l'élection de. Et c'est une vraie question. De Miss France 2017. Mais donc par exemple, Morgane Edwige, c'est la Miss Martinique quelle année? Parce alors qu'elle c'est la première dauphine de Miss France. Voilà. Non mais ah oui, c'est plus simple de ça le faire. Ça facilite les choses. Alors ça non, réponds pas à ma question. C'est pas du tout. C'est pas compliqué. Moi je sais. Alors Morgane Edwige, c'est Miss Martinique 2015, première dauphine de Miss France 2016. Oui, ah ouais, mais sauf qu'en fait, son titre, il court jusqu'à ce qu'on couronne une nouvelle nana. Jusqu'à donc théoriquement, 2017. Donc théoriquement, mais non, pas 2017, ça c'est dans 15 jours là. Mais oui, elle perd son titre en 2017. Mais non, dans 15 jours. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Comment dirais-je? L'élection aura lieu le 14 octobre prochain. Ouais. Ok. Nous ne serons pas en 2017, mais c'est presque novembre, décembre. Mais non, mais non. 3 mois avant. Alors, théoriquement, en fait, 2017, ça commence quand pour toi? Ça commence en janvier, 3 mois avant octobre. Enfin, on peut faire des dérogations. Un petit peu avant, quoi. Mais en fait, en réalité, je comprends qu'elle soit aussi perdue que moi. Parce qu'en fait, quand tu élis une nana 3 mois avant la fin de l'année et que son titre court toujours sur l'année suivante, on peut se poser la question. Oui. Bah ouais. Donc tu comprends mon raisonnement? Non, je comprends pas ton raisonnement. Par contre, ton histoire, tu veux fêter Noël en octobre cette année. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Il y a Tijou également derrière les platines. Il est malade, le bichon. Oh, le coucou. Il est malade, il est enrhumé. Heureusement que ça s'entend pas sur les platines. Ah, il y a des gens qui ont dit il est malade ou quoi, Tijou, tout à l'heure. C'était Jean, il est malade, j'aime bien le son, tu vois. Ah, d'accord. Ou alors, il est malade, Tijou, j'aime pas trop le son, là, tu vois. Les gens, en fait, ils sont en mode, tu sais, consulting. Ils disent j'aime pas, en live, en direct. Bon, Tijou, c'est pas la peine de parler. T'as une voix trop sensuelle ce soir, tu vas me faire de l'ombre. Mix, ok, mon frère. On démarre avec un peu de son, on revient avec les candidats de ce soir. Il y aura évidemment du Hey Baby Hello. Yeah yeah yeah. Il y aura du Cocoteur. Bien sûr. Et on jouera également pour des cadeaux. Bah ouais, tu as toujours le cinéma, la pièce, c'est le film du Watibé. On vous offre l'avant-première, ce sera mercredi 12 octobre. Et pour gagner ça, bah en fait, il y a un signal qui tombe toute la journée. Dès que vous l'entendez, vous nous appelez. Yes, y en a deux, je crois, de prévus avant la fin de l'émission. Restez vigilants, des places de ciné donc à gagner pour Rex, Madiana ou Agora le 12 octobre prochain. Séance privée avant-première du film du Watibé. 0820 203 200. Allez. Ouais. Wow. T'as décidé de démarrer joyeux, toi, hein. Quand tu prends du Fervex, wow. Ah ouais, t'es en mode Ok, ça marche, ok. Moi tout qui fou, on va en plein tête. Maman désespérée, j'en l'aspérée, mettre mes cités. Pas hypothéqué, via pour inutile ou disquette. Autour de toi, beaucoup parleront, bien combien disent vrai. Moi, je connais ta civilité. moins subtil la code. Ils pourront raison bête, en gros la conduit le pète. Un million fin pas gagné, leur compte qui en peut pas bête. Bon déjà elle est moins, non un million peut pas bête. Quand même maman capéré, plein souffert de caché à d'un tiroir. Ouais de ça chaud donc ça dingue, à d'un ce que t'as ni des feux le niroir. A ma gambo combien gramme, mais faut sentir ni en nouveau histoire. Ini fusil, ni couteau, ini sang, mi tout bouna ka crié. Ouais maman, d'autres fois j'ai qui s'y au port loin. Ini piqui, ni portable, la magasoua. Ini vol les bras cachés au pays tous les soirs. Mouvement illicite pendant plein mouna risque. Ou paiement des vagues fixes à monopoly. Qu'elle a commencé au roche qui pas qu'elle s'appolie. Tête la carré des verres, y pas caramouli. En fait pas cocaïne, en fait pas molly. La scout a veillé, donc ouais, même en pas tout seul. Pas les 10 plaquettes, 10 fusils, 10 latiers, mais la plupart d'yo, c'est des battes doucettes. Ça n'a pas changé. La scout a veillé, donc ouais, même en pas tout seul. Pas les 10 plaquettes, 10 fusils, 10 latiers, mais la plupart d'yo, c'est des battes doucettes. 25 minutes, m'en fait 10 clients. Pas d'un chitoua qui a fait la poussière. Si m'en pas mettre la maman à l'aise. Dis-moi qui moun qui qu'elle a pour faire. Snoopy et puis moi donc m'en pas tout seul. Madmax et puis moi donc m'en pas tout seul. Si fait qu'a grandi et pas tout seul. Donc pas de Kevin. Fucking freestyle. Faut j'ai un clan moumi c'est ça nous paie. Donc normalement m'en pas qu'a fait nous paie. En bas bloc la deuxième est grand ouvert. Moi et puis chauvet donc m'en pas tout seul. Aïe pas qu'a passer qu'on a là-bas. Trapper la gemme et personne pas là-bas. La manque à venir nous à baba. Y'en qui la frappe à mon lit qu'on a mal à bord. Fillas abuse on veut des jambes lits. Donc il sa vie pas abuse fait la bise. Rivez madame qui gère la crise. M'en crier l'uso pour m'en taper cavani. Vini et puis 5 bitch pour nous flex commander 6 pits. En boss qui l'a terrorisé mon gosse si c'est Godzilla. Chaque flow qui descend tellement hack que on capte tes têtes ou en l'année pop. Fuck up. Le X toujours est toujours top top. En l'eau qui a pas le meilleur qu'à soc soc. Dis-moi si vous les goûtez un clock clock. Pour peut-être à tout moment c'est un professionnel. Chaque flow n'y en touche sensationnel. X-Men extraterrestre exceptionnel. Money plus l'auto qui en concessionnaire. Ramasser l'argent devenu obsessionnel. Bitches 80 mais sensationnel. Money pour level et moi pas conventionnel. Si mon pété y'en a un sac est intentionnel. Manger un rythme c'est un défi personnel. Moi pas jamais ni un style traditionnel. Moi qu'à crever pour l'avant le temps additionnel. Là y'a qu'à coûter mais y'a ni problème émotionnel. Chaque rime, chaque mot, chaque flow tellement technique que y'a c'est dimanche en logiciel. Pro tellement haut, ma qu'à voler tellement haut. Comme ma qu'à garder les macs ou mettre à la vue du ciel. Yeah. I'm a fucking nigga. Look my finger on the fucking trigger. Ma capé c'est plus qui fucking giga. Le messier perd rien qu'on fucking sida. Ma déjà dit yo ma c'est un fucking migal. Money please bitch qui fucking pigal. It's man de gagne un fucking pigal. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I'm really living what I'm rapping about. It ain't nothing for me to cap about. All my life I had to trap it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I'm really living what I'm rapping about. It ain't nothing for me to care about. In the microwave, gotta keep the chopper by the door. 40 in the sofa, I've been whipping sodas. Plug came in with the paint. Drop it in the soda, got me leaning over. Beat the block, I gotta feed the block. Think of it, they like the pyramid. Selling ice cream to a dope fiend. Buying ice cream for the children. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I'm really living what I'm rapping about. It ain't never me to care about. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. Lot of people. See my name a little louder. I love me name because we pop the powder. Three, three times for me on the shoulder. Shabba. Man, say that little louder. I love me name because we pop the powder. Three, three times for me on the shoulder. Shabba. Shabba. Shabba. Hey. I love me name. Come to me name. Call out me name. Follow me name. Now stop until it reach all of fame. Say your body want Shabba know the same. People. I love me name. Come to me name. Call out me name. Follow me name. Now stop until it reach all of fame. Anytime respect me sweat flame. I mean they

Bungie Carlin. We have a truck on the road. We have a truck on the road. Mercury Beach Hit 2016. Disponible en digital partout. Avec Carillian, Rockers Island et Trace. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Puis pour nos japonais, j'ai du mal. Mais est-ce moi, j'adore. Et Doggy Message. Et Doggy Message. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7. Aussi dispo sur trace.fr. Génération 9-7. La plus grosse libre antenne des Antilles-Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. Bienvenue dans la Génération 9-7. Si vous venez de vous brancher, un petit coucou à Laurie qui est là avec nous sur Twitter. Il y a Audrey aussi, James et Mademoiselle Sissi. On va faire quoi pour la suite? Tout à l'heure, il y aura du cocoteur, il y aura du Hey Baby Allo. Ouais. Il y aura forcément le signal également qui vous permet d'aller voir l'avant-première du film La Pièce. On recevra aussi les candidates à l'élection de Miss Martinique. Chaque année, on fait un petit détour et on se concentre en mettant les projecteurs en fait sur Mada. C'est un petit peu comme ça qu'on avait découvert Morgan Edwige en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est nous qui l'avons découvert. C'est grâce à nous. Bah oui. Grâce à nous. Personne ne la connaissait avant qu'on la crée. On l'a formaté. On lui a appris tous ces trucs là. Le Je lui de ai la donné polémique. La vie. C'est le fruit de mes entrailles. Qui prendra la suite de Morgan Edwige? La réponse le 14 octobre prochain. D'ici là, on choisit sa candidate préférée. Elles sont au nombre de 10, si je dis pas de bêtises cette année. On en reçoit 1, 2, 3, 4, 5. 5 ce soir. Pourquoi tu as commencé par on en reçoit 1, 2, 3. Je les comptais, en fait. Mais tu peux dire on en reçoit une. Ça rassure, hein. On n'est pas au Brésil non plus. C'est en Thaïlande que ça arrive. C'est en Thaïlande, tu sais, genre, il y en a une, c'est un homme. Faut trouver laquelle. C'est le truc improbable, tu sais. Je veux dire, je veux bien qu'on ait avancé sur plein de choses. On a des technopoles aux Antilles, Guyane. On a plein de gens qui créent des applications sur Internet. Mais niveau chirurgie esthétique, on n'en est pas encore à ce sacré tour de force. Hein. Les gens qui veulent couper le zizi ou changer de sexe, ils vont quand même dans d'autres pays. Hein. Je dis ça, je dis rien. 0820 203 200 également sur le net. www.trace.fm. On va commencer un petit peu par les breaking news. On fait un petit tour de l'actualité. On commence par quoi d'ailleurs? On parle de quoi ce soir? On va parler du Lego Air Helmet. Vous savez ce que c'est? Je crois que c'est le plus grand. C'est le plus petit. C'est un casque de vélo qui va être révolutionnaire. Ah ça non, va... rien à voir. C'est pas sur la piste. Non, mais j'ai cru qu'elle parlait du salon, tu sais, où les mecs font chaque fois des réalisations en Lego hallucinantes. Oh. Et je me suis dit, peut-être qu'elle le dit super mal, peut-être que j'ai mal compris, tu vois. Et en fait, tu pourras ressembler à un Playmobil. Mais Helmet, c'est un casque. Voilà. En fait, c'est un casque de vélo, sauf que c'est comme la coiffure. Exact. Des trucs que tu clipses sur la tête de tes Playmobil. C'est pas Lego, en fait, c'est des Playmobil. Et ça s'appelle le Lego RM. Lego, et ça te fait ressembler à un Playmobil. Ok, c'est normal. Oui. Non, effectivement, ça paraît bizarre. Parce que moi, quand j'ai regardé la photo, j'ai trouvé que ça faisait plutôt penser aux cheveux qu'on met au Playmobil. Mais tu as vu que le nom, c'est Lego. Non, j'ai pas vu le nom, non. C'est grâce à toi que je connais le nom. Et merci, en fait, Nessie, merci. Hein. Pour le moment, c'est un concept, mais ça va devenir rapidement réalité puisqu'ils travaillent dessus. Non, voilà. Mais il faut imaginer quand même les gens qui vont faire du vélo avec un casque qui ressemble aux cheveux qu'on met au Lego, quoi. Au Playmobil. Au personnage de... Ah, mais si ça s'appelle Lego Air Helmet, ça peut pas y avoir de se faire ressembler à un Playmobil. Oui, c'est comme si on te demande c'est quoi ta boisson préférée, tu réponds Pepsi, et ben tiens, du Coca, c'est pas logique. Bon, ça se rapproche. Ouais, non, mais. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que le Co-Pepsi n'existe pas, ou le Pepsi Coca n'existe pas. C'est le Pepsi Cola ou le Coca-Cola, tu vois. Si tu veux des paires de Jordan, on va pas t'offrir des Adidas. Oui. Ou alors des Adidas pour Jordan. Un mélange de Jordan. Ça paraît bizarre en fait. En Thaïlande, ils doivent faire ça. Oui. Arrête, non, c'est pas la Thaïlande. Ouais, Taïwan peut-être. Et en Chine, le pays de la contrefaçon. Non, c'est bizarre que ça s'appelle Lego si ça te fait ressembler à un Playmobil en fait. C'est ça. Je trouve ça chelou. Ils ont fait une grosse erreur. C'est ça, c'est eux qui se sont trompés, bien sûr. Ouais. Quoi d'autre? Ouais, il y a eu un double homicide à Saint-Martin. Ah, pour parler des choses joyeuses, merci Nessie. Il y a deux hommes qui se sont entretués pour une femme dans la nuit, de samedi à dimanche. Et ça s'est passé dans un bar dans la partie française. Et il y a une arme à feu qui a été utilisée. Alors si c'est la partie française, ça veut dire que c'est pas forcément un bar où on les paye, les filles. En En attendant, ils sont en pleine enquête. Non, parce que ça serait con de se battre pour une fille pour laquelle on paye. Tu attends 15 minutes, c'est bon. Non, mais peut-être que lui, il a payé pour longtemps et il la voulait tout de suite. Non, en tout cas, il y a encore des mecs qui font ça, quoi. Se battre pour une femme. Ok. Bah oui. Il y a des mecs qui ont traversé toute leur existence sans jamais se battre pour une nana. Hein. même quand elle en valait la peine. Hein. Bon, laisse tomber, tu es plus musclé que moi, vas-y. Prends-la. Tu la mérites. Ou alors on joue à pile ou face et puis c'est bon. Quoi d'autre? On va parler de Morgane Edwige, c'est la Miss Martinique. Et elle ira à Miss Monde, alors Miss Martinique, première dauphine également de Miss France. Et elle ira à Miss Monde le 18 décembre prochain, à la place de Miss France qui s'appelle Iris et qui elle remettra la couronne à la future Miss France 2017. Alors j'ai l'impression en plus que c'est pas le premier coup qu'elle remplace en fait la Miss France. Tu vois, à chaque fois que Miss France est occupée, c'est Morgane qui s'y colle. Et en fait, j'aimerais qu'on arrête une fois pour toutes ces espèces de clichés sur les Antillais qui sont fainéants, hein, parce qu'elle bosse quand même la petite Morgane. Hein. C'est clair, elle a bossé pendant toutes les grandes vacances. Mine de rien, elle a bossé. Hein, ouais. Ça, je dis rien. Quoi d'autre? On va parler de cette mère qui a corrigé son enfant à La Réunion. Ça se passe à La Réunion, on a commencé un petit peu à en discuter hier soir. Elle a décidé carrément de filmer son enfant en live Facebook. Voilà. Il y a énormément de gens qui se sont exprimés sur la vidéo. Ça a pris une dimension virale. On voit des émotions plutôt partagées, des commentaires aussi plutôt partagés pendant la séquence. Sauf qu'au final, après avoir fait ça, cette maman qui ne faisait que corriger son enfant a atterri en garde à vue. Et elle va être jugée apparemment le 17 février 2017. Le procureur de la République de Saint-Pierre y fait le point ce soir, enfin actuellement. Et elle a reconnu les faits et elle explique en fait qu'elle était excédée parce que son fils, déjà, il avait un comportement difficile. Il était encore mis en cause dans une affaire pénale et également menacé par des jeunes de la cité. Alors il y a des gens qui pensent que c'est complètement hallucinant qu'elle ait à s'expliquer de pourquoi elle donne une leçon à son enfant pour pas qu'il recommence, pour qu'il prenne tout le fruit de la leçon. Il y en a d'autres qui disent ah ouais mais le live Facebook c'était trop cruel machin etc. Nous on a envie de prendre un petit peu la température de votre côté. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Je crois qu'il y a Karen qui nous rejoint dans un petit instant du côté du standard. On posera la question aussi à un avocat parce que mine de rien il y a des parents qui se demandent bon alors tu sais, imagine ce soir il a son fils sous les yeux, son fils a fait une connerie. Et il se dit non, je vais peut-être pas le frapper. J'ai vu la vidéo de la dame là, je te fais pareil. Eh ben tu vas aller en prison papa. Ouais voilà, du coup ça partage. On se rappelle aussi de cette nana qui nous avait appelé une fois, vous rappelez dans l'émission, pour nous raconter que son fils avait carrément fait un signalement. Je sais plus si c'était à la gendarmerie. Oui, et que depuis elle se sentait pas libre de ses mouvements parce qu'on. Elle avait dû payer une amende d'ailleurs. Elle avait dû payer une amende. Enfin bref, limite, simplement en faisant son rôle de parent, ce qu'elle estimait totalement normal comme étant son rôle de parent, s'était transformée, avait fait d'elle en fait une criminelle aux yeux. Elle s'est sentie bizarrement regardée. Votre réaction, Karen, t'es là, bonsoir, bienvenue dans Génération 97. Salut, ça va? Oui, ça va, merci. Tu as 27 ans. Oui. Tu es à Fort-de-France, tu réagis dans un petit instant. Je crois qu'on a Cassandra également qui va nous rejoindre dans un petit instant de la Guadeloupe. Et puis on va poser la question à un avocat. Parce que mine de rien, on se demande quoi. Alors on a le droit, on n'a pas le droit de taper ses enfants. C'est important aussi pour nous, les parents, tu sais, quand on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut éviter les coups en négociant avec les parents. Est-ce que il va falloir prendre un avocat, tu sais, pour faire, comment ça s'appelle, les compromis? Oui, ouais. Une médiation. Écoute maman, si tu lèves la main sur moi, ça va être compliqué pour toi. Hein. J'ai pas très envie, mais là tu vois, j'ai déjà le numéro de téléphone. Je peux appeler à n'importe quel moment. Je suis contraint de t'envoyer en prison. Est-ce que les parents se retrouvent pas justement un petit peu en otage? Alors je sais que ça convient à certains. 0820-200-300 pour vos réacs en direct sur Trace. D'ici là, on se fait un petit Cécile et DJ Fly. La vidéo est online à partir de ce soir, un petit peu plus tard si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, Sabri? Exactement. Un petit peu plus tard, on vous met les images du passage de Cécile dans le Trace Studio, c'était vendredi. D'ici là, on l'écoute. Le reste, c'est surprise, parce que c'est Tijo derrière les platines. Tijo Sound. Tell me what you want, baby. I'm a loving where you have, baby. Oh, love. Tris. What's a wine for me, dilly like a background, a corner. Bum, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Tris. Pull up on my body and Tris. Set it. Rock off my back, yeah. Tris. If you set it. This time I want no Tris. Set it. Pull up on my body. Pull up on my body. touch on me, set it, set it, set it. Why my body men a stiff like soldier? Table top make the booze take you over. Van the pole, you not care if you're sober. Trace love on me wine. Them love on me wine. Je veux pas là, c'est pas l'ambada. Il café c'est pas mon cas, c'est un yoko en pas de moi, fais passer message en l'air pour parler ma peuple. Bon, mais y'a rien de soupe, papa, mais grand homme style. Nous pas qu'à parler trop, tu as baigné en dom, dom style. Là, t'es un X-Men, nous bien on son lambda. C'est là, c'est pas des comiques à la American Pie. On n'y va pas, mais y'a dance hall. Pas mais dance hall. Pas mais dance hall. On n'y va pas, mais y'a dance hall. Pas mais dance hall. C'est place là, c'est en laisse à moi, y'a des billets, t'as les bambes, bam, t'as les métaux mal à l'aise, mais la même qui est tombée tight. Alors pour que j'ai pas de soucis, tu vois, n'est pas attendu. Chaud patate, chaud le mato, chaud la pampa, chaud patate, chaud le mato, chaud la pampa, chaud patate, chaud le mato, chaud la pampa, chaud patate, chaud le mato. La fait, bye Snapchat, na. Sinon, bagaille pour faire, fuck nous fait maintenant. Fais qu'on s'y pour vivre, t'es carré, oui, net. Pas tout, t'es pas quitté pour restant. Zamé, pas gommé pour pièce franc. Pas levé pour la jazz, ça qui tourne Vietnam. Belle gars, on veut parfois c'est le vêtement. Mais toujours en mode, oui, les madman, toujours en mode lieutenant. Bye Snapchat, bye Snapchat. Everything nice, everything a plan. Nah. Si nos bagailles pour faire, fuck nos fame maintenant. Allez, c'est bye Snapchat. Line on me up, she up, she up. Anything when me buy your canto. Me a drive out, she a drive out. Even if you fly out, she can fly out. Cause me up, she up. Nothing like when your girl turned up. If you see the wallet, you a go see the purse. See me girlfriend better than yours. Ah, me bend it a girl that the proud of you. Your bend skill or something for member you. All the hustling where we want with all the cards for your boss and you never get borrow. We lifestyle of you too, how we so far up. Me might dead, you might go jail tomorrow. But anything nothing for we be happy with you, so we never live in life. Them no in my name. No in my name. Them I put a little bit of money away, no reach away. And after them I lead, no in my name. No in my name. Them too slow, them I do the lead. Man full of step like a centipede. No in my name. First thing, give a thanks to the most thing. Security, I at me God. Look on me house and me yard and me one dozen pit bull dog. This industry must be me girl, can me fucking this industry hard. No fat at them a hip and soups and them gnarly better than dog. Me banker gold gone psycho, 500 milli pan your cycle. You know see your slow life is a cycle. You know see me fast 10 times nitro. Me a do it like night. Tell them drop asleep like night. Lord Jesus Christ, now send out the gun if you not be in my leg. Now in my leg. Them a hip over the credit of money and we no reach nowhere. And I said them a lead, now in dans Génération 9-7. Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le choix. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. La libre antenne est faite par toi. Pour toi. Chez toi. Avec toi. Yes, aïe, merci d'être là. On en parle, on discute, on sourit, on rigole. On se lâche, bref, c'est la fin de journée. Et en plus, sur les Real Mix de Tijo Sound, vous réclamez vos titres. Ouais, t'as un truc que tu veux entendre. Si tu l'entends pas, c'est ta faute. Hashtag G97 et à trace FM pour simplement réclamer, faire votre playlist, réclamer vos titres. Let's go! On revient tout à l'heure avec une autre session mix. Génération 97, le soir, on prend la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appel exprime-toi en direct. En direct. On a du monde encore qui nous rejoint sur le web. Des petits coucous au passage à Célia, Louche, Barbie, tout ça. Ouais, tout ça. Barbu, ouais. Barban. Barbe blanche, barbe rouge, barbe bleue, noire. Barbe noire. Oui. Ouais. Pirates des Caraïbes. Ah. De toute façon, je me doutais bien que c'était pas un petit clin d'œil à l'histoire que tu as pas du tout retenu de tes cours. Je me doute bien. C'est un personnage forcément qu'un film t'a aidé à retenir. Hein. Bref, hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200 dans un petit instant, dans UA, baby, allo. On appelle en direct tous les soirs. Et puis d'ailleurs, pour vous mettre en appétit, on a aussi celui d'hier soir. On a appelé la marraine de Célia. Un premier appel qui n'était pas forcément concluant, mais elle avait la langue beaucoup plus sale au deuxième appel. Écoutez, c'était hier soir dans Génération 97. Oui. Hey baby, allô. Oui. Baby, assoube, fais-moi un plaisir. C'est qui? C'est pas moi. Ah, excusez-moi, je sais pas que je suis, ok? Donc maintenant, je dois vous faire le coup, c'est aussi la bako qui t'abarme, ok? Et Japouille n'a pas connaître ça. Je suis pas mon numéro, tu m'appelles tout toujours, moi je sais qu'à là, c'est un problème. Pardon, Amdoula. Mon dame, mon. La langue bien, bien sale. Mais le meilleur, c'est tout à l'heure. Le soir. Génération 97. Personne peut tester. Génération 97. Ça, c'était l'appel hier soir. L'appel de ce soir débarque tout à l'heure en live dans Génération 97. D'ici là, breaky. Breaking news. Elle est réunionnaise. Certains la citent en exemple. Voilà ce que c'est qu'une maman qui corrige, qui éduque son enfant. D'autres la voient comme le mal incarné, la méchanceté, la cruauté, une mère qui a dépassé bel et bien les limites. Et même d'ailleurs, on se demande si la justice ne la voit pas comme ça aussi, parce que la dame, après avoir corrigé son fils pour une connerie qu'il avait faite sur un live Facebook, a passé la nuit en garde à vue. Oui. Et elle sera jugée pour avoir corrigé son enfant. On prend la température, votre avis, 0820 203 200. Je crois que c'est Karen qui le rejoint du côté du standard. Oui, bonsoir. Ça va? Salut. Oui, ça va. Alors Karen, qu'est-ce que tu en penses toi? Tu l'as vu la vidéo ou pas? Oui, j'ai vu la vidéo. Est-ce que tu fais partie des gens qui étaient là? Ouais, Bailey, ça. Oui. Ouais, comme ça. Ah, intéressant. Tu as 27 ans, tu as Fort-de-France. Alors explique-nous, toi ça te choque que la maman se retrouve en garde à vue? Oui, parce que la maman a bien le droit de corriger son enfant, surtout que c'est pas la première fois que son enfant lui pose des problèmes. Moi-même, je l'aurais défoncé. C'est-à-dire que là, en limite, tu l'as trouvé trop soft en fait, la maman. Non, bah ça c'est pas une volée, ça c'est une caresse. D'accord. Mais attends, ça te choque pas non plus que ça a été publié en live sur Facebook? Parce que tu peux faire ça dans le cadre privé, je suis d'accord, mais de le publier, ça te choque pas? Non plus, parce qu'au moins là, je pense que Célia avait donné plus, mais parce que là, il aurait été traumatisé à vie et il n'aurait pas recommencé. Il y a des gens qui pensent qu'il serait déjà traumatisé. En même temps, apparemment, le gamin est déjà en foyer. Hein. J'ai cru comprendre que le gars en question qui se fait corriger, il est en foyer. Hein. Ça veut dire que déjà, il y a des petits antécédents. Apparemment, mais alors... Alors, il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire, c'est pas la peine de corriger un enfant comme ça, en dépit du compte, si au départ, tu lui as pas donné les bonnes bases et qu'il se retrouve en foyer. Grosso modo, il y a des gens qui lui reprochent d'avoir généré, entre guillemets, ce monstre qu'elle corrige aujourd'hui, en fait, grosso modo. Est-ce que tu partages le point de vue? Non, je ne partage pas le point de vue, parce qu'il y a des enfants qui arrivent en foyer, et pourtant, donc, les parents leur donnent une certaine éducation. Et comme ils aiment suivre donc, les copains et les copines, eh bien, ils aiment déchirer du droit chemin. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être corriger les copains et les copines aussi, non? Donc, là, c'est chaque parent qui font leurs affaires. Mais en tout cas, lui, là, moi, je suis pas, ça ne m'a pas choqué. Parce que moi, j'ai déjà pris des coups. J'ai déjà pris des coups de poing. Mon cousin a pris des coups de poing. Des coups de poing. Des coups de poing, carrément. Alors, t'estimais que t'étais une fille difficile ou pas? Non, j'étais pas une fille difficile. Mais dès que j'écoutais pas, donc ma maman parlait plusieurs fois, j'écoutais pas, ben, à ce moment-là, elle corrigeait. D'accord, ok. Et tu lui dois, en fait, aujourd'hui, ta parfaite éducation et le plaisir que tu as à regarder d'autres enfants se faire corriger sur le web. Enfin, on dit ça, on dit rien, Karen, pas de problème. Tu veux réagir, si tu veux rajouter quelque chose, il n'y a pas de problème, tu restes avec nous. Je crois qu'on a Cassandra qui nous rejoint, elle est aux abîmes, 20 ans. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. T'en penses quoi, toi? Ça te choque ou pas? Moi, je suis pas choquée du tout. Ah, 20 ans, 27 ans, pour l'instant, pas de gros écarts. Tu as reçu des corrections similaires ou pas? Eh bien, écoutez, quand on fait des conneries, il faut assumer, hein, et puis... Je le dis haut et fort, et là, elle est à côté de moi, ma mère. Elle m'a donné des coups. Je sais pourquoi. J'ai fait des conneries et j'ai été réprimandée. Voilà le... Tu as... Alors, toujours su pourquoi tu as pris des coups? Mais, vous avez dit, quand vous faites des conneries et que parler, ça rentre pas dans la tête, et ben, voilà. C'est le dernier rempart, en fait. Grosso modo, tant quand on n'a pas écouté, si on avait écouté, en fait, on n'aurait pas pris de coup. Donc, grosso modo, de toute façon, c'est notre faute, quoi. Mais corrigé, d'accord. Mais est-ce que ça devait être filmé, ça? J'ai pas compris. Pourquoi, le fait que ça se passe sur, voilà, Internet, quoi. Oui. On peut corriger quelqu'un, mais est-ce qu'on est obligé forcément de filmer ça? Ta maman est toujours à côté de toi, tu peux pas parler. Non, ça n'a rien à voir. Non. Oui. Non. Mais là, je peux sortir, hein. Non, maman, écoute la radio, ne nous couillonne pas, on a très bien compris. On a très bien compris que tu es là, tu cautionnes, tu dis oui, tu peux dire. Oui, non, tu peux pas dire. Non, on a bien compris, mais elle a l'air cool, ta maman. Comment elle s'appelle, ta maman, Cassandra? Carole. Prêtez-moi un moment, s'il te plaît. Prête-la-moi, 2 secondes. Carole! Bonsoir, Carole! Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Cool. Très bien, très bien. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable d'avoir donné, je sais pas, une correction à Cassandra, éventuellement dans ta vie? Vous savez, je pense que tout parent qui donne une correction après se sent plus ou moins mal d'avoir mis la cité. Mais c'est pas parce que je me suis senti mal que je lui ai montré que je me suis senti mal. Ouais. T'as fait discret, quoi. T'as fait discret. Parce que moi, c'est important. Moi, je pense que ça fait toute la nuance. Parce que franchement, on sent qu'il y a des parents, quand même. Ils attendent ce moment. Ils cherchent la bêtise que tu as faite pour pouvoir soulager parfois un petit peu leur dure journée. Marre, cet enfant-là est parfait. Ouais, tu vois. Alors, il y a cette config-là, mais il y a la config aussi des parents qui, des fois, perdent le contrôle, perdent pied. En fait, quand tu es dans la colère, tu fais pas toujours des choses très, très cohérentes et parfois tu peux dépasser la limite. Donc, le fait que tu ressentes de la culpabilité me donne l'impression que ça va. C'est normal. Après. Non, mais, justement, la fessée n'est pas systématique. Ouais. Avant de mettre la fessée, quand même, on a beaucoup parlé. Mmh. On s'est beaucoup répété. Ouais. Et puis il y a des préliminaires, il faut commencer par les calottes. Pardon? Il y a des préliminaires à la fessée, il faut commencer par les calottes. Exactement. Les menaces. Tu lèves la main, mais tu la baisses pas. Tu prends une cuillère en bois, tu la déposes violemment sur la table. Voilà. Vous faire peur avant de frapper. Exactement. La torture. Et donc, quand ça tombe, ça tombe. La torture psychologique. Cassandra, je n'ai pas eu vraiment à corriger Cassandra. J'adore ce moment incroyable. Tu sais ce que j'aime dans ce moment? Parce qu'elle avait peur des coups. Elle avait vraiment peur. Donc de les ça. Menaces suffisaient, en fait. Exactement. Mais vous savez ce que j'aime dans ces moments-là, c'est quand les parents et les enfants, ils ont une espèce de même version, tu sais, un peu à l'unisson. Tu sais, genre quelques années après, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu sais, ma fille n'était pas si difficile que ça. Et puis tu sais, ma maman, elle m'a toujours corrigé pour une bonne raison. Ouais. Je trouve ça magique parce que effectivement, écoutez, moi, je me rappelle avoir eu une fessée à l'école. Ma grand-mère, elle était venue dans ma salle de classe. Ouais. Pour me mettre une fessée, quoi. Ouais. Mais ça, c'est exact. Enfin, si on compare, c'est la même démarche que cette mère a eue en mettant ça sur Facebook. Justement, c'est ce que je disais à Cassandra. Et j'avais tellement honte que je n'ai plus jamais recommencé parce que j'avais peur d'avoir encore la même chose. Pendant une semaine, j'étais à l'honneur. C'était moi, le transfanti numéro 1. on parlait que de moi, j'avais vraiment honte. Donc du coup, après, je me suis tenue à carreau. Ben oui, des fois, ça marche. Donc se servir du regard des gens, finalement, c'est légitime, en fait. Il ne faut pas mettre une baffe, il ne faut pas mettre une claque. Et maintenant, on a des enfants qui sont désorientés, qui savent même plus où donner de la tête. En fin de compte, les enfants, ils ont tellement le choix. Ils ont tellement le choix. Alors, on parle là des parents qui corrigent leur enfant, mais moi j'aime bien parce qu'il y a une personne avec qui je pense souvent cette conversation, c'est mon tonton. Mon tonton, tu sais, il disait avant, toutes les personnes du quartier étaient habilitées à éduquer un enfant. Exactement. C'est-à-dire que, alors moi j'ai pas connu cette époque-là, hein, perso. J'ai connu l'époque du colportage, effectivement le voisin vient balancer, mais moi j'ai déjà connu l'époque où c'était déjà interdit en fait de par exemple qu'une maîtresse d'école te touche, quoi. Te frappe, tu vois ce que je veux te dire. Moi je suis de la génération où les maîtresses avaient le droit de mettre une PC, où les voisins pouvaient réprimander un enfant qui faisait même si c'était pas fait. En fin de compte, l'enfant de en fin de compte, c'est ce que je disais à ma fille, avant les enfants c'était les enfants de tout le monde. Donc tout le monde pouvait faire l'éducation. On peut voir un enfant dans la rue en train de faire une bêtise et lui dire non, ne fais pas ça, etc. Le fait seulement de lui dire ça, il a un respect envers le plus grand qui lui dit non, ne fais pas ça. Mmh. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut pas. On voit un enfant faire une connerie, on peut pas lui dire ne fais pas ça parce que ben. C'était mieux avant ou pas, non, mais franchement, ça, c'est une question en fait. Parce que c'est logique. Avant, il n'y avait pas toute cette violence, en fait, maintenant, aujourd'hui. Ah, moi, je peux te prendre des exemples de gens qui n'ont jamais eu à être corrigés. Hein. Non. On a un stagiaire dans la radio, le mec n'a jamais pris de coups de toute sa vie. Ou alors, s'il a pris des coups, c'est parce qu'il s'est battu avec un copain à l'école, ou un truc comme ça. Mmh. Mais jamais de ses parents, jamais il a été corrigé, en fait. Et pourtant, ce n'est pas un petit délinquant. Important. Oui, mais il y en a qui... Il y a des enfants qui sont très sages. Il y a des enfants qui comprennent avec la parole. Il y a des enfants qui sont... Tout le monde n'est pas pareil. Hein. Ouais. Donc pour toi, c'était forcément mieux avant. Parce qu'à un moment ou un autre, je me pose la question, s'ils légifèrent sur des trucs comme ça, s'ils mettent des lois, par exemple, s'ils interdisent la fessée, s'ils font des trucs comme ça, c'est que... C'est quoi? Leur position, c'est quoi? C'est pour emmerder le monde? C'est pourquoi? Moi, je ne sais pas. C'est maintenant la loi française, elle est devenue en fin de compte tout devient une maladie. Donc, avant on n'en mourait pas, maintenant on meurt de tout. Donc, il y a qu'à voir. Avant, on avait peur de la loi. Il suffit qu'un gendarme ou bien un policier arrivait devant une porte, on était déjà en trompe. On se demandait mais pourquoi il est là, les voisins ils regardaient, pourquoi là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les policiers viennent, et ben, tout le monde n'en a rien à. Personne n'en a rien à faire. Et en même temps, visiblement, je pense que quand même, il y a un certain nombre de parents, comme la fessée est interdite par la loi, à un moment ou à un autre, on a eu l'exemple hein, dans l'émission, on a eu un parent qui nous a appelé, qui avait été dénoncé à tort d'ailleurs par son enfant. Du coup, elle se sentait véritablement traitée comme une criminelle. Alors c'est marrant, il y a double vitesse hein, parfois sur les litiges. Bouge pas, raccroche pas, Carole, Cassandra, Karen, on revient avec vous, 0820-203-200, à tout de suite. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et Doggy Message ! Et Doggy Message ! Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97. Aussi dispo sur trace.fm. Trace FM. Génération 97. Le soir, y a pas de limite. 0820-203-200. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. It's your boy Easy. Official music so sensual. Shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me, end up.

s'y fait. Avec le temps on s'y fait. Les poches vidées on s'y fait. Avec une pièce on s'y fait. Les gens partis on s'y fait. Avec le temps on s'y fait. Les poches vidées on s'y fait. Avec une pièce on s'y fait. Du côté du standard. Karen. Karen. Yo. Oui, ça, oui. Ça va la forme, moi. Tranquille, posé. Oui. Bah tu dis stop quand t'es prête. Stop. Yes. C'est vraiment le bruit, tu sais, du petit truc qu'on mettait sur les roues de vélo. Qui a fait ça aussi. Pour avoir l'impression d'avoir une moto. Deux places de cinéma, Karen, tu repars avec ça. C'est pour aller voir le film du Watibé, La Pièce. Ça sera le 12 octobre prochain. Rex, Madiana ou Agora, selon la commune ou le département où tu te trouves. On va te mettre à l'aise avec la personne avec laquelle tu viendras, celle de ton choix. On te filera des pop-corn, des boissons, il y aura tout, on te met à l'aise. Hugo, il a dit en plus si t'es jolie, massage et tout, hein. Merci. Ouais, bah, elle a pas l'air chaude sur le. Si elle vit avec son mari, par contre, t'es dans une belle. Lui, merde. Il est chaud, lui, il est chaud. Bouge pas, Karen. La pièce, le coup fou rire de la rentrée. En avant-première, Trace FM avec le forfait SAP et Bay SFR. Forfait SAP et Bay SFR, ça le fait. On accueille dans un petit instant les candidates à l'élection de Miss Martinique 2016. On a déjà deux là qui sont devant nous. Alors moi je vous dis franchement, hein, je me perds dans les prénoms. Là il va falloir que je m'habitue un peu. J'appelle tout le monde chérie de toute façon. Hein. Donc on commence peut-être par les prénoms. Tu t'appelles ? Johanna. Ça va Johanna ? Très bien. Ok, ça marche. C'est la première fois que tu parles dans le micro de la radio ? La toute première fois. Ok. Pas peur de lui, rapproche-toi. Ouais, rapproche-toi. Et on a à côté de Johanna ? Aurélie, ça marche. Elles sont au total 10 candidates. On en reçoit 5 ce soir. On va faire un petit peu connaissance avec vous au fur et à mesure. C'est vrai que là, vous débarquez en plein sujet, en plein débat à propos de l'éducation. C'est vrai que mine de rien, quand on veut devenir Miss, faut avoir une certaine éducation, un certain standing. C'est vachement important. On aura l'occasion de récupérer vos avis dans un petit instant, mais on va écouter également Karen qui voulait rajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est dit. Il y a aussi des réacs hein, sur le web. Je crois qu'il y a Loulouche qui dit ça tue pas de prendre des coups. Le système français est merdique sur certains points et après vous faites appel à Super Nanny, n'importe quoi ce pays. Je vous dis quelque chose, j'ai déjà vu un enfant de 5-6 ans à tout casser dire à sa mère et la maman n'a rien fait. Mademoiselle Sissi dit si c'était moi qui t'ai quasi à maman moi, eh ben déjà prends en calotte, on pas la virer, comme on l'appelle. Il y a d'autres réactions, hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200. Karen, tu voulais rajouter quoi? Oui, donc ce que je voulais rajouter, ben, c'est plus face à un maman. Et puis moi, si j'ai un enfant donc, qui a 6 ans, il a eu l'occasion de prendre déjà des volets. Parce que monsieur n'écoutait pas à l'école, il faisait du n'importe quoi, et ben, maintenant il a même des bons pour aller à la maison. Donc comme on dit, c'est tout vrai, et même ma femme est libre. Alors, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as comptabilisé, il a augmenté un petit peu sa moyenne, c'est cool, il a le tableau d'honneur, ces trucs-là? Il va mettre des bons points à la maison, mais ouais. À l'école. Tu te dis pas des fois que si t'avais frappé un peu plus fort, t'aurais peut-être eu un certificat d'excellence ou un truc comme ça? Pour le moment, il ne parle pas de certificat d'excellence. Il a 6 ans, mais en tout cas, maintenant... Mais je suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, peut-être que si tu avais frappé assez fort, il aurait déjà le bac. Hein. On verra. Mais pour le moment, donc... Il écoute maintenant. Il a voulu faire le dieu, il a joué, mais il a perdu. D'accord, ok, ça marche. Ta propre expérience personnelle. C'est vrai que c'est tellement facile parfois de juger sans être confronté à la situation. On sait jamais sur quel type d'enfant on va tomber quand on en a un. C'est un peu une loterie, quoi. Et quelque part, je pense que par contre, contre, il existe quand même des parents, ils aiment un peu trop ça, corriger leurs enfants. Faut pas se mentir non plus. Arrête de penser à ta maman comme ça. Non, je pense pas forcément. Mais je pense que c'était un plaisir partagé, hein. Je veux dire, moi et ma mère, c'était un des plus grands instants de complicité de notre vie, tu vois. Voilà, moi j'étais le fait de chier et elle me corrigeait. C'était une relation. Tu vois, c'est comme Batman et le Joker, tu vois. Ils ont besoin l'un de l'autre. Sinon, il se passe rien à Gotham City. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, quelque part, moi, je trouve ça, mais il y a des parents, je te parle de parents, tu vois, qui parfois ont la main un peu lourde. À un moment ou à un autre, je me dis pas qu'on invente juste des lois dans ce pays juste pour emmerder les gens. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on invente des lois parce qu'il y a suffisamment d'abus pour que ce soit régulé. Je me trompe peut-être, hein. Ça se trouve, Ted a un avis. On a Ted qui nous rejoint du côté du standard. Allô, allô. Bonsoir, Ted. Tu as 37 ans. Salut, Ted. Oui, salut. Ça. Il est vieux comme ça, le nounours. Ouais, il est doux comme ça. Il est doux comme ça parce qu'en fin de compte, arrivé à un certain stade, on pète un câble. C'est de l'exaspération. L'exaspération. Tous les matins, tu vas bosser. Hein, pour faire bouffer. Et lui, ce qu'il fait, c'est aller voler. Mais arrivé à un stade, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que c'est moi qui prends l'humiliation au commissariat ou c'est lui qui prend l'humiliation? Il faut se poser cette question-là, hein, parce que moi je dis pas que tout le monde doit tabasser les enfants, on les tabasse pas. Moi j'ai pris la ceinture, hein, et là maintenant là, eh ben, je suis grand. Eh ben, mes enfants, je les élève comme on m'a élevé. Je les force pas, hein, mais une fois que je les regarde, ils savent quoi. Le petit regard réprobateur. Non, il faut pas dire, tu avais totalement raison, il y a des parents qui battent les enfants, Non. Moi, je te parle une fois. Hein, je t'explique les choses. Si tu comprends pas, la deuxième fois, tu le prendras. Tu sais quoi, moi je me sens vraiment menacé là par ce que tu viens de dire. Pourtant, non, ça s'adressait pas directement à moi, hein, mais je me sens. Non, parce que on nous dit que oui, c'est la société. Non, c'est pas la société. On a des parents qui veulent sortir avec les enfants. Beaucoup de parents sont monoparentales ici. Ouais. Hein, donc toi tu élèves ton gamin tout seul, hein, tu déchires pour le faire manger matin, midi et soir, et lui, il n'a rien à faire. Déjà, il passe son temps à jouer toute la journée. Et quand tu rentres là, il te ramène des choses qui ne t'apportent pas. En fait, c'était où? Maman te dit, côté au point ça, est-ce qu'elle m'a acheté ça bas? Ah, tu disais, maman, donc elle est déposée là au point là. Mais c'est comme ça, l'exaspération. Et madame était exaspérée tout le temps. Elle arrive à un stade, elle pète un câble. Est-ce que toi, c'est un truc que tu envisagerais, par exemple, d'utiliser les réseaux sociaux pour rendre public une punition envers tes enfants? Je sais pas quel âge ils ont, tes gamins. Ils ont quel âge? 20 ans. Ton plus grand, 20 ans. 20 ans? 20 ans. Ouais. Et tu le corriges toujours? Non, je le corrige pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit les choses, hein, ils savent que de toute façon, si ça se passe la première fois, la deuxième fois, j'attends le pique. Ouais. Ouais. En même temps, théoriquement, on est censé s'améliorer, évoluer, etc. Donc, c'est sûr que c'est agréable pour personne. Ça serait vraiment stupide de refaire les choses. Et c'est vrai que parfois, on a besoin d'une leçon qui marque, qui est. Mais à un moment, pourquoi alors ces lois, Ted? Pourquoi cette loi qui interdit? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, t'as visiblement un grand de 20 ans, mais t'en as des plus jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi change quelque chose par rapport aux fessées que tu peux donner? Non, ça ne change pas. Ça change pas. La seule chose que ça change, c'est que si on le voit. Je ne frappe pas pour frapper. Mon gamin, j'ai toujours dit, moi je lui explique. Ça, tu ne touches pas. Si tu touches, tu prendras des coups. Le problème, c'est qu'après, il vient, il le pète. Tu lui avais expliqué. Tu avais dit de ne pas toucher. C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on ne frappe pas les enfants. Il faut pervertir. Je suis sûr certainement que le grand garçon, c'est qu'il ne fallait pas voler. Ouais, vas-y, continue. Et il l'a fait. Donc, arrivé à un stade, tu ramènes des trucs, mais la dame, elle est exaspérée. Mmh. On a une réaction qui arrive sur internet. Je sais même pas d'ailleurs comment elle a réussi à arriver sur internet, parce que visiblement la personne qui s'exprime nous parle d'une époque qui est totalement révolue. On remonte à peu près, si je dis pas de bêtises, à Moyen-Âge, peut-être même Antiquité, hein. En droit romain, l'enfant est la propriété du père qui peut le corriger, le vendre. Ça ne s'arrête qu'à la mort du père aujourd'hui. Ouais. Alors, j'aime autant vous dire que la personne qui a réagi comme ça, je mets la musique de Game of Thrones. Faut actualiser. Elle s'appelle Nessie, elle est dans le studio. Je reprends la phrase. C'est toi qui en fais ça. En droit romain, l'enfant est la propriété de son père. Il a le droit de le corriger et même de le vendre. Ça ne s'arrête qu'à la mort du père. Aujourd'hui, c'est très différent. Tu regrettes cette époque, hein? Hein, hein, Duncan MacLeod, l'immortel. C'est à quel point ça change, quoi. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il n'y a pas de juste milieu. Autant il y a des parents qui ne corrigent pas du tout leurs enfants, autant il y a ceux qui... Il y a eu de la maltraitance. Il y a eu beaucoup de maltraitance. Et ces lois-là, je pense qu'elles ont eu lieu, enfin, elles ont été instituées à cause de ces parents-là. Retrouvez Game of Thrones, spécial éducation. Ça me rappelle le sketch de Matt. Avec Super Nessie. C'est moi qui fais haut. En fait, tu es haut. En fait, tu es haut. Ah ouais, tu es quand même, hein. Désolé. Ouais. Désolé, mais c'est ça que les parents disaient avant. C'est moi qui fais en pitch haut. Ouais. Le truc, c'est ce qu'ils disaient avant. Et on n'est pas mort pour autant. Ouais, mais dans la réalité des faits. Non, mais ils le font pas. Ouais. Il y en a qui sont plus là pour le dire, hein. 0820-203-200 Ted, on sait pas d'où viennent ces lois, mais pourtant elles existent à un moment ou à un autre. Alors moi, je vais te poser une question un peu similaire à Carole tout à l'heure. Est-ce que tu laisserais quelqu'un d'autre intervenir dans l'éducation de ton fils? Non. Ah. Non. Ça veut dire que la maîtresse, par contre, le prof, il faut qu'il garde ses distances. Non, la maîtresse. La maîtresse, elle peut, le prof, il peut pas. Non, mais non, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai connu une maîtresse qui te frappait. Une maîtresse, une maître qui te frappait. Quand tu allais dire à tes parents, j'ai été frappé par la maîtresse, les parents te frappaient. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y avait une autorité déjà de l'éducation nationale qui faisait que, déjà, ben, ils te corrigeaient. Donc là, mais maintenant, comme tout a changé, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans l'école. Donc moi, je préfère pas qu'elle quitte pour eux. Je préfère que la maîtresse vienne me dire, oui, votre fils a fait ci, votre fils a fait ça. Moi, je vais le recommander. Ok, ça marche, pas de problème. Bouge pas, Ted. Carole, elle a quelque chose, ou Cassandra d'ailleurs. Mère et fille sont avec nous toutes les deux. Vous avez quelque chose à rajouter? Les cas, les mademoiselles cas. Justement, on pensait à ça. Et on se disait que justement on fait beaucoup l'amalgame justement entre une fessée et la maltraitance. Ouais. Et c'est justement ça le problème en fait. Ouais, mais ben là, la dame qui a donné des coups de ceinture à son fils, moins d'une dizaine quand même. Elle a pas frappé pendant 20 minutes. Elle a été elle est poursuivie pour violence aggravée. Et elle ne l'a pas frappé n'importe où, parce que moi j'ai vu cette vidéo, ouais. Il s'est pris 2-3 coups de ceinture, enfin peut-être 4-5-6, sur... Attention, on a des experts, alors retournons en Game of Thrones spécial, éducation. Alors, est-ce qu'il y a des endroits qui valent plus de points que d'autres? Ah oui, les fesses, les côtes... Parmi les sévices qu'on peut faire subir aux enfants, alors concrètement, les endroits où on a le droit de taper, Carole? Bah écoutez, sur la cuisse, sur les fesses, ça ne va pas le tuer, hein, c'est pas des endroits vitaux. Le visage, il y a de la graisse pour amortir. Le visage. Le visage quand même pas. Non, parce que la maîtresse est au courant le lendemain. Tu peux être victime d'un signalement. Ou alors tu fais comme les policiers dans un interrogatoire, tu utilises un annuaire. Oh non. Évidemment, ce que je raconte est à prendre au second, voire 33e degré. Hein. Ouais. Ça veut pas dire de les brûler. Hein. Bref, donc... Oui. Il parle. Après, il n'y a pas forcément dans le temps. Hein. Si vous décidez pas aller, si vous n'y fosse pour pas aller, il opérait pas aller. Hein. Et aussi longtemps qu'il y avait. Hein. Pendant combien de temps? Et si parler ne suffit pas? Parce que c'est bien de parler, c'est bien d'expliquer. Et si parler suffisait? Pose-toi la question à l'envers. Donc voilà. Je te taquine, Carole. Chacun. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, maintenant, il y a une norme pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une loi, il y a un certain nombre de choses. On se rend bien compte, tu peux te retrouver en garde à vue après avoir tenté d'éduquer ton enfant. Ok, ça, c'est clair. Il y a une norme, en fait, qui essaye de cadrer un petit peu tout ça. Ce que tu abordes là, justement, c'est que le problème, c'est qu'il y a une loi, mais qui n'est pas encore la norme. Ouais. Elle est pas acceptée, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais au-delà de ça, elle est compliquée aussi, cette loi, quand on y réfléchit, parce que je sais pas si c'est vraiment... Je me pose la question, hein, si elle a été faite dans la protection. Enfin, si cette loi a été imaginée pour protéger les plus faibles face à ce genre de situation. J'imagine, quand même. J'espère que ça a été fait pour ça, pour protéger de certains abus. Ou même pour éviter peut-être les dérapages. Ouais. Parce qu'il y a certains parents qui peuvent commencer à frapper et après ça peut devenir une façon d'éduquer son enfant et tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Ouais, et puis je pense que c'est aussi un défi, tu vois. On vit l'époque des téléréalités où on dépasse nos limites. Il faut peut-être imaginer réussir à éduquer son enfant sans jamais avoir levé la main, peut-être sans jamais avoir levé le ton aussi. Il y a des gens qui ne se sont jamais énervés. On rigolait de Tikam tout à l'heure, il n'a jamais pris un coup. Mais est-ce que vous avez déjà entendu ses parents s'énerver? C'est très mignon. En fait, pour ne rien vous cacher, Tikam, c'est un peu ma famille, tu vois. C'est-à-dire que sa maman, c'est ma marraine, tu vois. C'est un petit peu. Hein, c'est beaucoup, beaucoup ma famille. Et en fait, moi, j'ai toujours halluciné parce que nous, on dégrappe un coup. Mais quand Tikam, lui, faisait une bêtise et qu'il fallait changer de ton, tu avais le papa qui prenait une voix totalement différente. Ah ouais. Une voix très très impressionnante, genre « Et ça suffit maintenant, j'ai dit, ça suffit !» Attendez, ça suffit. Effrayant. Oh là là là là là là, ça va chier les bulles. Non, je crois même pas qu'il disait « chier les bulles ». Je crois que « Viens, rapproche-toi, Tikam, tiens, alors, hein ?» C'est des phrases un peu comme ça, c'est genre tu sens que la voix est différente. Mais le ton n'est pas puissant, il y a des gens qui hurlent. Moi je pense que quand je m'occuperai de l'éducation de mon enfant, machin, etc., ça sera un hurleur, je serai un hurleur, je pense. Et toi? Moi, ça sera le Dalai Lama a dit, mais il a un nom. Le Dalai Lama a dit, ce sera quoi toi? Moi, je serai comme mon père, je pense. J'essaierai d'avoir une femme avec de l'autorité. L'autorité naturelle, ouais. Ouais, pour pas être le bon voilà, pour pas apporter le mauvais rôle, quoi. Carole, Cassandra, merci. On a Yannick aussi qui nous rejoint pour une réaction. Salut Yann, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Yes, bonsoir, ça va? On va t'écouter dans un petit instant. Et puis on va voir aussi des femmes d'une certaine éducation s'exprimer sur le sujet. Elles sont candidates à l'élection de Miss dans un monde où toutes les valeurs se perdent, soi-disant. Et pourtant, ben, il y a des derniers bastions qui entretiennent un petit peu justement l'héritage de ces valeurs, de l'éducation, de la correction, de la politesse, du savoir bien-être, de la bienséance. Putain, ce mot-là. Ah putain, c'est la dernière fois que je l'ai lu, je pense que je devais passer un oral de français, sinon je me serais jamais fait chier à aller chercher la définition. Ça va mesdemoiselles? Cool. Ça va. Johanna et Aurélie. Elles sont les deux premières candidates de Miss Martinique qu'on va découvrir ce soir. On écoutera la réaction de Yannick aussi. On se prépare à du Hey Baby Allo aussi. 0820 203 200. D'ici là, on va s'écouter un petit Taiga. Tu me cales un petit Taiga avec One of One. Un petit Conscience aussi, Break Off. On a demandé du côté du standard. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 0820 203 200. Tijo derrière les platines. On revient sur Trace. A tout de suite. Big up Tijo, ça. Big bad DJ. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go one-on-one with you, one-on-one. And I want you to want me too, you're one-on-one. I wanna go one-on-one with you. Take the thug in me and put

98 000. Service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS. 2 SMS max. www.trace.fm. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. Tu veux piéger qui ce soir? Ton frère. Quoi? Il veut piéger son frère. Merci beaucoup, on avait compris. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Une petite seconde, ça va se calmer, t'inquiète. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fr. Génération 9-7, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. Merci d'être avec nous, on se prépare à du Hey Baby Allo, on appelle qui ce soir? Je crois que c'est une certaine Filia. Filia, tout à fait, de la part de Zidane. Zidane, ouais, Zidane il est fan en fait du Kalash Call. Il adore le Hey Baby Allo. Zidane nous a demandé de piéger Filia. Qui est Filia par rapport à lui? On ne sait pas. Peut-être un amour des Antilles, un amour des îles. Celui à qui il a dédicacé l'un des plus beaux buts de sa vie ou le coup de tête, on ne sait pas. On appelle dans un petit instant en live, en direct. Yannick est prêt, il est là aussi. Yann. Oui, allô. Yes, on écoute ta réaction dans un petit instant, mec. On va juste se faire sourire un petit peu avec du Hey Baby Allo. Ok. Ok. En espérant que ça décroche quand même. Et puis on a Johanna et Aurélie qui sont avec nous, les deux premières candidates qu'on découvrira. Yannick, il y a des jolies nanas hein, ce soir entre nous. A priori, tu es Guadeloupéen, tu t'appelles Yannick. Déjà, pour moi, tu es un mec bien. Hein. A priori. Hein. Déjà, tu es un mec bien. Je te trouve très sympathique. Mais a priori, si tu es vraiment un bon Yannick de Guadeloupe, a priori, tu aimes les jolies filles aussi. Ça vaut le détour. Il y a l'élection, cette compétition pour devenir Miss. Peut-être d'ailleurs aller jusqu'au bout de l'aventure et devenir une Miss France. On en parle dans un petit instant. D'ici là, on compose le numéro de téléphone de Filia. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Je crois que c'est Martinique. Martinique. Zidane a une meuf en Martinique. Voilà comment des rumeurs partent. Non mais t'imagines, le mec soit c'est le vrai Zidane. Je crois pas. Soit c'est le fils de Zidane. Il s'appelle Zidane. Oui, c'est logique. Allô. Allô. Oui. Pardon, Amdoula. C'est qui? Moi. Moi, c'est qui? C'est qui? C'est pas moi. À quoi que maman, c'est qui mon? Aïe, aïe. Oui, parce que tu me déranges là, fais vite, c'est qui? C'est de mon frère. Eh ben, mon cadeau, à quoi que maman? Elle est martiniquaise, je confirme. 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. Ah là là. Ah, que de jolies fleurs dans la bouche de la dame. Oh mon dieu. Tu m'excuses Yannick, mais il faut juste que... Ah, c'était bon, hein. C'est le côté un peu sale, mais si tu nous permets là, on va quand même inverser la tendance là. Placer un peu de glamour, s'il vous plaît, quand même. Oh là là. Bonsoir les filles. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Ça va la forme? Bon, le gars arrivé de ça toute sa vie. Ah. Cet instant là, cette réplique là. Bonsoir Yannick, en cœur et tout. Bon, non mais vous le faites aussi kiffé. De temps en temps. Oui mais c'est pas pareil. C'est moins agréable dans mon oreille. Ah Yannick, t'as bien kiffé aussi hein? T'aimes quand on dit notre prénom, non? Ah oui. Ah ouais. Oh mec, je partage pas par contre. Bouge pas, raccroche pas, on revient avec ta réac dans un petit instant. Mais on va un petit peu mieux apprendre à connaître ces candidates de l'élection de Miss Martinique. Alors on l'a fait l'année dernière. On a découvert Morgane Edwige. On l'a faite, on l'a créée hein. On l'a... Enfin c'est Sabri qui l'a accouchée. C'est à votre tour. Vous êtes désormais sur les bancs de la compétition, dans les starting blocks. 10 candidates. Ça a l'air d'être une question un peu bateau, dites comme ça, mais vous êtes toutes copines. Oui. On est toutes copines. Il y en a qui répondent plus vite que les autres. Ouais. Je sais pas. On aurait dû brancher le détecteur de mensonges là sur la séquence. Pour le coup. Attends, je vais vérifier si j'ai le détecteur de mensonges là sous la main. On y va, on est d'accord. Vous allez d'abord me dire une question à laquelle vous ne pouvez pas mentir, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par toi, Aurélie. Quel âge as-tu ? J'ai 18 ans. Ok, tout ça c'est cohérent. Je vais te demander de me mentir maintenant, ok ? Est-ce que tu es sortie avec plus de 9 garçons depuis le début de ta vie amoureuse ? Oui. T'as eu chaud parce que c'était de poser 8. Ok, c'est bon, il est réglé. Maintenant, tu peux reposer la question. Est-ce que vous êtes toutes copines dans l'aventure de l'élection de Miss ? Bien sûr. Ouais ? Ça a l'air cohérent. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Aurélie ? Mais Aurélie ? Oui, nous sommes toutes copines. Toutes copines. Ok. T'inviterais toutes les filles chez toi, je sais pas, essayer les tenues ou pourquoi pas, une petite pyjama party, tiens. Oui, pourquoi pas. Hein. Elle a l'air de dire la vérité. C'est incroyable. Vous êtes un peu intimidée ou pas ? Parce que mine de rien, c'est des choses qui sont assez nouvelles pour vous. Rencontrer les médias, apprendre à défiler. Peut-être que certaines d'entre vous ont des aptitudes, Johanna. T'avais déjà rêvé ? T'as déjà fait des séances photo ? Ce genre d'expérience ? J'ai déjà fait quelques séances photo. Ouais. Mais effectivement, la radio, c'est vraiment une première. Ouais. C'est intéressant. Même pas pour l'aventure, on a appris beaucoup de choses. Ouais. Et c'est une vraie expérience. Il parle trop bien. Chaque fois, j'ai un problème avec les candidates de Miss, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment en fait où tu cherches un petit peu un truc un peu piquant. Une défaillance. Ouais, tu vois. En fait, si tu veux, il faut nous comprendre. On est un média. Il faut que vous arrêtiez de révéler vos sextapes après avoir été élu. Il faut nous en parler avant. Il faut qu'on soit dans la boucle, quoi. Vous dites un truc sur Twitter qui dérape, machin. Il faut qu'on soit au courant avant. Après, on apprend tout ça comme ça, là, comme ça, en regardant Pew People. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Faut nous dire les choses, quoi. Aurélie, d'où es-tu ? Je viens de Ducos. Voilà, elle vient de prison. Nous avons donc peut-être une future Miss au passé trouble. Eh oui, pourquoi était-elle à Ducos ? Nous le saurons uniquement après si elle est élue. Nous ne saurons pas avant. Tu es de quelle commune toi, Jo ? Rivière Pilote. Personne 51. Attention, le téléphone portable ne passe pas partout à Rivière Pilote. Josso, plus loin ? C'est pas vrai. Plus loin que Josso ? Non, près d'Ibourg. Ça va. Ouais, attention, oui. Ça va. Oui, attends, hey, une fois par an, ils ont une piscine gratuite au milieu oui, du bourg. Ouais, au milieu du bourg, une piscine gratuite et puis des toits qui s'envolent hein, oui. Aussi, en fonction des tempêtes. Ça va, c'est cool. Alors, comment c'est la grande ville ? T'aimes bien la civilisation ? C'est cool ? On adore taquiner, en fait, les communes. On les adore. On les adore. C'est parce que des fois, on a tellement peur d'y aller aussi. Mais en fait, non, ben, c'est un plaisir. Pourquoi tu t'es inscrite à cette élection ? Demi, c'est quoi ton objectif ? C'est un défi personnel. C'est un défi personnel, ouais. Et connaître le monde de la mode, apprendre davantage. Ouais, alors tu vois, moi ça, je le crois. Je le crois à fond, parce qu'il y a plein de filles qui ont dit, ouais, mais... Il y a plein de gens qui disent, ouais, pourquoi telle copine, elle pourrait devenir Miss, pourquoi elle n'est pas inscrite, machin, etc. Ouais. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui attendent d'avoir confiance en eux avant de s'inscrire. Et puis il y a des gens qui ont conscience qu'en s'inscrivant, ils vont construire leur confiance en eux. C'est le cas, t'as un peu confiance en toi ou tu vas progresser encore ? C'est quoi ? J'espère progresser davantage. Ouais, t'es plutôt timide dans la vraie vie ? C'est ce que je travaille justement. Putain, c'est un sacré défi personnel, hein. Ouais, et elle se contrôle super bien. Ouais, non, mais bien. Aurélie, toi, ton but dans l'élection, ce serait quoi ? Déjà, partager tout ce que... Oui, donc, on m'entend, c'est bon ? Ouais, bon, d'accord, je te demande. Donc, mon défi, c'est aussi un défi, comme Johanna. Je veux en apprendre plus sur moi et aussi sur le domaine de la mode, en apprendre sur moi davantage pour... dans le domaine de humainement en fait, c'est-à-dire ouais. Qu'on a l'expérience sociale. Exactement. Tu voulais pas payer un psy. Ah, attends, et je me rappelle d'un truc, Morgane, elle a gagné une voiture, non ? Non, elle a pas gagné de voiture ? Elle a quoi ? Mais Manuela, elle parle dans sa barbe, je comprends pas. On lui a prêté une voiture. Ah, le temps de l'élection, c'est bon. Ah, ça. C'est cool, d'accord. Non, je me demandais en fait, tu sais, toutes les filles de Rivière Pilote, tout ça. Non. Je je rigole. Il y aura le TCSP. En 2028. Vous aurez des navettes spéciales. Bon, bref, on a deux, trois petites questions. Je crois qu'Hugo a préparé une question qui est complètement décalée, complètement déjantée. Mais vous devez répondre, quoi qu'il arrive, c'est votre défi ce soir. Ouais, en fait, c'est des questions, il n'y a pas de réponse type, en fait. Je veux votre réponse à vous. C'est un peu comme un test de personnalité, si vous voulez. Vous êtes prête? Oui. On commence par qui? Johanna? Ouais, Johanna. Allez, c'est parti, Jo. Alors, si un homme devenu femme épouse une femme devenue homme, qui prend le nom de famille de qui? J'adore ces questions. Ouais. Tu sais répondre quoi, là? Bah, ta réponse, la tienne. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Si un homme devenu femme épouse une femme devenue homme, qui prend le nom de famille de qui? Selon toi. Tu veux dire une bêtise? Ben, c'est vas-y, pas grave. Vas-y, dis ta bêtise. Non, mais t'es vraiment en train de faire un schéma. Non, mais alors. Attends, je te passe au crayon, tu vas faire la jupe, tout ça. Alors, moi, je vais juste vous expliquer un truc, c'est que nous, on adore ces questions parce qu'en fait, concrètement, elles sont super simples. Ou alors, pas compliquées. Ou alors, si t'as pas envie de t'emmerder à répondre, tu réponds pas. Mais elles ont une telle pression. Tu sais, c'est quand même une élection. Donc, à un moment ou à un autre, tu as pas envie de dire une bêtise. De toute façon, ce que tu vas dire va nous faire rire. Voilà. On a tout prévu. De toute façon, même si tu fais un schéma pour t'aider, même si tu essayes de réfléchir, mais si l'homme devient... Mais ça dépend du pays, parce qu'en Angleterre, la femme donne son nom à l'homme. Non, tu vas chercher trop loin. Non, la femme qui va porter le nom de famille? L'homme? Mais non, la femme. La femme, pardon. Enfin, ça dépend. C'est sa réponse, s'il y avait bien l'homme. C'est l'homme, hein? Il n'y a pas de bonne réponse, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de bonne réponse. Mais et rassure-toi, il n'y aura pas ça le soir de l'élection. Non. On te prépare aux pires questions et les questions seront plus simples à l'élection. Tu verras, il n'y a aucun souci. C'est le tour de Aurélie. Aurélie, peut-on dire à Mimimati... Attends, bouge pas, je vais leur mettre la pression. Oh papa. Je vais leur mettre la pression, tu sais, encore plus, tu sais, genre... Chaud. Elle est sur ses gardes, Aurélie, là. Je sais pas si elle est sur ses gardes. Elles observent, elles savent pas. Elles ont des sourires totalement détendus. Hein. Attends. Ouais. On essaye comme ça. Pose ta question. Est-ce qu'on peut dire à Mimimati qu'elle comprendra quand elle sera grande? Oui. C'est tout, oui. Mais voilà. Pourquoi? Ah, il faut expliquer par contre. Hein. Ah ouais, je veux des arguments. Ah ouais, il faut expliquer par contre. Parce que... Elle a l'âge, elle est grande en âge, mais pas en taille. D'accord, ouais, j'accepte là. Ça te va? Ouais, ça me va. Tu applaudirais, toi? Mais Hugo a pas compris ses questions. C'est que le mec, il a même pas prévu non plus de réponse, quoi. Donc, ok. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous avez vu la prestation l'année dernière de Morgan? Est-ce que ça a participé un petit peu à votre envie de vous inscrire? Est-ce que vous avez vu toutes ces retombées? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous faites partie des gens qui l'admirent, hein, un petit peu? Morgane, vous l'avez déjà rencontré? Oui, bien sûr. Johanna, ouais. On l'a vu deux fois. Elle vous a donné des bons conseils? Oui. Ouais. Avec elle. C'est un exemple. Vous avez envie de représenter votre pays au-delà de nos propres frontières. C'est vrai que le 14 octobre prochain, ça sera dans votre pays, mais au-delà de ça, ça se passera aussi peut-être. C'est tout ce qu'on souhaite à l'une d'entre vous, notamment en métropole. Si on fait cette aventure, c'est pour aller plus loin. Ouais. Faire mieux. Je me suis demandé un truc. Tu sais, parce que Morgane, autant Morgane l'année dernière, elle savait pas. Ça s'est passé à Lille, je crois, ou dans le Nord, ou un truc comme ça. Ouais. Ok. Cette année, c'est aux Bahamas, non? Non, c'est à Montpellier. Montpellier. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont inscrits. Montpellier, ça vous va mieux? Oui. Si on vous donnait une trentaine de secondes chacune pour essayer de convaincre de voter pour vous. On commence par toi, Johanna. Ton numéro... tes forces pour cette élection. On vous publie des photos en ce moment même et également sur les réseaux sociaux. Alors, on commence par toi. Bon, je me présente tout d'abord. Yes. Alors, je me présente, Johanna Gilles Dufourny, je suis âgée de 22 ans et je viens de la commune de Riapilote. Ah. Je suis infirmière. Donc, qui dit infirmière dit que je dois avoir un certain nombre de valeurs quand même pour être une Miss. Je suis quelqu'un d'assez sympa, jovial. Et je pense avoir les épaules nécessaires afin d'être ambassadrice de notre île, au sein de l'aventure Miss France. Votez pour moi, numéro 6. Bravo à toi, Johanna. Numéro 6. Et Aurélie. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Aurélie Joachin, j'ai 18 ans et je suis de Cossèze. Alors votez pour moi parce que je pense avoir les épaules nécessaires pour représenter notre île à l'élection de Miss France. Et pour moi, une Miss doit être élégante, charismatique et avoir du charme. Et je pense justement qu'en moi, on peut retrouver ses qualités. Ouais, moi je trouve que en fait c'est bien parce que ça vous apprend à vous aimer. Parce que les autres s'en chargent rarement, hein, à part ton petit copain. Mais mais faut s'aimer soi-même déjà pour commencer. Je trouve ça mignon. Tu imagines quand là pendant la période où elle travaille l'élection, quand elle répond à leur maman, tu sais? Tu sais, genre, Aurélie, est-ce que tu as fait la vaisselle? Maman, je pense avoir les épaules solides pour savoir à quel moment je vais enclencher le lave-vaisselle. Tu peux me faire confiance. Johanna, tu as encore laissé traîner le torchon? Maman, je peux tout à fait représenter et tu peux compter sur moi dans mon sens des responsabilités. Je te rappelle que je suis infirmière. Merci les filles, en tout cas bonne chance pour l'aventure. Merci beaucoup. On en a trois autres à découvrir tout à l'heure. On a Yannick qui débarque avec sa réac. Yann, toujours là, frangin, tranquille, posé. Je suis sûr que t'as été zioté là au passage. Quelle était ta préférée? Tu nous diras ça dans un petit instant. Hein, le petit Mako des îles est avec nous. Yannick nous appelle de Capesterre, il réagit, on parle d'éducation. 0820-203-200, ça sera juste après Admiralty. A tout de suite dans Génération 97, Mada, Guada, Yana. Une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le choix. Mr. Tijot. Hey, tu peux me pull up ça, c'était pas joli. Hein. Tijot Sound. Y'a pas d'intro sur les morceaux maintenant. Ok. Parce que ça va me coller, battre une fait tout ça, yo, paye, fait back, belle auto, exposé, signe des richesses. Mais toi, la pas materialiste, non. She is a queen, yeah. My queen. Menir si yon not planet. Ou ou fè mwen tche ya ou konfiyans sa. Ou konfye mwen le manet. Mwen ka promet vous d'être honnête. Chante bar baby, koukou ga honnête. Et le temps de minuit, nous qui disparaît. Pour retrouver nous tous les deux. En toute intimité, parti na yon ka poste. Everything nice, on nous taille Colombia. C'est un artiste, moi qui bat un volé rime. Maintenant on met des lingers. Moi quoi qu'un animal qu'on fait éline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y fais tout stress sans aller pour l'île. Toute copine nous j'ai dit ou fuck ou follow him. Girl follow me. Mais madame Bendo, ça doit sa clean. Everything nice on nous taille Colombia. Pas de gueule café, moi plané pour amener. For me to do, yeah. So don't walk away, it's in with life bright. Jerry, you baby, girl, me and you tonight. Hold me in your hands and then you squeeze me so tight. No rush, no fuss, I me say everything right. Girl, they know me love you, me say bad, bad, bad. In a me ask me say me dread and you me up with me. Hold you close, me girl, me can't get tired. Now leave me, me girl, because you know me who the man. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. On continuera à découvrir d'autres candidates à l'élection de Miss Martinique. On est cette fois en Guadeloupe avec Yannick Capester. Il a 29 ans et il a gros à dire sur la question en matière d'éducation. Yannick, bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Merci de ta patience. Salut. Mec. T'es un mec bien. Bon prénom, bon département. Le mec est convivial, sympa. Franchement, honnêtement, je crois que je m'aime à travers toi. On t'écoute, Frangin, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, bon, moi, je suis un jeune papa. Mon gamin aura un an ce mois-ci. Ouais. Et, ouais. Donc, moi, papa, ce qui s'est passé, bon, j'ai vu la vidéo, hein. Bon, on parle de correction, de mise en examen ou garde à vue, je sais plus. Moi, j'ai grandi et en prenant la fessée, en prenant des rappels. Parce que je le méritais. Et c'est pas pour autant que j'ai eu des séquelles par la suite. Je pense que il n'y a pas d'école. On n'apprend pas à être parent sur bonne école. On apprend sur le tas, ouais. Et on fait de ce qu'on a vécu pour éduquer nos enfants. On est dans une génération où nous, je considère que moi, que je fais une connerie, on va pas une ou deux fois, la troisième fois, je prends une classe. C'est comme ça que moi j'ai été élevé. En même temps, même si on a pris des coups, on n'aspire pas forcément à en donner plus tard. Moi par exemple, j'ai pris des coups, mais j'estime que et puis j'essaye et puis je réfléchis et puis je me dis non, c'est pas forcément quelque chose que je veux en héritage. Je sais pas à quel moment on se dit j'ai pris des coups, je vais en donner plus tard. Ouais. À quelqu'un. C'est pas systématique, mais je veux dire par là que ça dépend de comment est l'enfant. Moi, je peux le cas de mon gamin qui va avoir un an, mais avec l'aide, comme il est en crèche, avec l'aide des référentes en crèche, qui aident en fait les jeunes parents à éduquer les enfants depuis la crèche, depuis bébé. Ouais. On a un accompagnement pour savoir comment agir avec l'enfant depuis maintenant. Il y a un autre truc aussi dont on n'a pas forcément parlé. C'est vrai que la société actuelle dans laquelle on vit nous demande beaucoup en termes de travail, nous demande beaucoup en termes de temps qu'on consacre, forcément donc un peu moins à notre famille. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup moins qu'avant, il y avait un parent qui prenait beaucoup plus et qui s'impliquait beaucoup plus. Je dis pas que c'était bien ou bien mieux, c'était parfois pas choisi, c'était souvent la femme qui abandonnait peut-être toute carrière, machin, etc. Parce que on lui a dit un beau jour, ton seul but dans la vie sera de faire un gamin, machin, etc. Il y a des gens qui regrette un petit peu ce côté où les parents pouvaient beaucoup plus s'impliquer. Aujourd'hui, par exemple, t'es un jeune papa, Yann. T'as 29 ans, je suis sûr que tu taffes comme un malade parce que t'es pile poil dans la tranche d'âge où ça bourlingue un max, où ça travaille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Pour autant, t'as envie d'être un papa actif, un papa impliqué, mais cette fatigue que tu accumules au boulot, parfois, elle peut te faire franchir la ligne blanche, tu vois ? Cette espèce de et ça par contre je trouve que on l'a pas exprimé. C'est vrai qu'on nous demande tellement dans la société en termes de pertinence, d'efficacité, de performance, tu vois, qu'on accumule une espèce de fatigue, qu'on a de moins en moins de temps à passer avec les gens avec qui on aimerait. Après, il y a des gens dont c'est pas du tout le truc, hein. Il y a des parents, je reste persuadé, ils abandonneraient jamais leur carrière professionnelle, même pour un enfant. Ça existe, ça aussi. Ouais. Hein. Mais par contre, le moment où ils se retrouvent avec leur enfant, bah forcément, c'est peut-être quelque chose... Plus on passe du temps avec son enfant, plus on sait comment le gérer. Et c'est vrai qu'on passe pas autant de temps que pouvaient passer d'anciennes générations avec les enfants à véritablement se consacrer à l'éducation. Je sais pas si tu partages ça, Yann. Oui, c'est vrai. Moi, je prends mon cas. Bon, c'est vrai que je bosse, ma copine et moi, on travaille tous les deux. On voit nos gamins le matin et le soir. Mais c'est vrai, même malgré la fatigue, on rentre à la maison, mais c'est on oublie tous les trains, tous les soucis de la journée, puis on profite à fond dans le galère. Ouais, ça c'est. Moi je passe une journée merdique, j'ai occupé mon gamin à la crèche, on rentre à la maison, mais tout j'ai zappé ma journée pour me consacrer à mon gamin. Ouais. Je sais pas si le fait d'être avec lui, bien ça, c'est pas, c'est comme une potion magique. Et puis ça crée du lien qui est important, voilà. Un lien qu'il faut pas perdre, parce qu'à un moment ou à un autre, on parle d'un gamin qui a un an aujourd'hui, qui est en train de tout apprendre à travers toi, c'est le moment magique où il sublime les papas. On n'est pas encore en train de parler d'adolescent. Tu sais que mec, moi dans ma vie, le truc qui me pousse le plus, tu vois, pas qui m'a freiné le plus à pas me reproduire, frère, c'est me dire un jour mon gamin aura 14 ans, ça se trouve, je vais avoir envie de lui éclater la tête. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est-à-dire que c'est complètement à l'envers, parce que en fait tu t'es pas censé penser à tous ces trucs-là et anticiper aussi loin. Quand tu fais un enfant, il y a d'abord du bonheur, et puis après plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et puis après ensuite un tout petit peu de bonheur, et puis après c'est un connard. Oh là là, l'image que tu te fais. Je sais pas, mais il doit bien y avoir des papas qui pensent ça, c'est clair. Mais justement, c'est quand je vois la génération actuelle, ça me pousse à être bien mon gamin pour qu'il puisse pas dévier du droit chemin. Ouais. Donc, dès maintenant, en tout et pour tout, tu vas faire de ton mieux, ça on a conscience. Hein. Voilà. Ouais. On est là, bon, je dis pas que je ferai pas d'erreur, qu'on fera pas d'erreur, mais on sait que voilà, on a eu une certaine éducation. On essaie d'aller avec lui à notre enfant. Et voilà, puis si des vies, bon, on fera le nécessaire pour l'accompagner, pour qu'il ne se fasse pas trop de conneries. Moi, je découvre un truc, en fait, au-delà du sujet qu'on est en train d'avoir ce soir, c'est qu'au fil et à mesure des sujets qu'on a dans l'émission, je me rends compte que le reflet de la société, le plus souvent, est de moins en moins en accord avec les lois qui la régissent. Et c'est un truc compliqué, hein. Il est en train d'y avoir un fossé qui est en train de se creuser, parce que j'ai pas entendu une seule personne dire « Ah oui, cette maman en garde à vue, c'est normal ». Alors après, peut-être que les gens ne se sont pas exprimés sur le sujet de l'autre côté, hein. 0820 203 200. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, il y a une distance qui se crée entre les lois qui sont faites pour tous et finalement ne vont à personne parce qu'elles sont pensées génériquement, etc., etc. Mimi Florencia, toujours une brebis galeuse pour se faire remarquer, la justice qui est rangée Kohaï. Ah. Il y a aussi la réac de Stunk. Quand son fils se suicidera à cause des moqueries, eh ben elle va refaire une autre vidéo pour pleurer. Ah ouais. Ah oui, quand même. Il y a des commentaires, quoi. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200. Yann, big up. Oui. Ok. Yes, aïe. Eh ben, bonne soirée. Et puis profite bien de ton fiston. On va jouer dans un petit instant. Il y a du signal à guetter. 0820-203-200. On revient avec d'autres candidates également à découvrir de l'élection de Miss Martinique du côté de Mala. Reste avec nous, DJ Ken, c'est pour l'instant. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. Trace Tropical et Stonehouse Events présentent l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique, un artiste invité, Jade. Oswald. Et de multiples cadeaux à gagner. Prévente 30 euros, disponible chez bisou.com, 50 euros à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin, à partir de 20h, avec Hypnotic Gentleman Club, St. Mace Enterprises, Shippy et Trace Tropical. Pas de limite. Yo, DJ Ken, ouais, t'as la son spécial dédicace bateau des Caribbean girl qui se place là. Femme qui s'awine et se sont à basse là. Admirable si y'a plus les là. Clean, mais pas easy. Car le monde est déclenché dans ta physique. Yeah. Do what she rewind, she a mash up me head. Et qu'a plié son body qu'on roule fizzy. Et il peut faire dans tout sens multifonction, girl. Suive moi par une option, girl. She ride it slow, moi savais qu'il y a action time. Il est modo vinto champion, boy. Girl, mon rêve est au fly, oh, ouais. Quand ça tourne, mon j'en vois un tour. No, girl, mais n'a relevé bien, non, ouais. Fast to line, mon rêve est au fly. Moi que faire fly, yeah. Mon trou sans moins capable, j'en la qu'au carré, mais rien, ça remarquable. Comme mes mal tête, ou pas fait moins péter, y'en cap. C'est pas taille mannequin, non, frangin, qu'on est permis poil ou poupée fait planer, consensuel. Poupée fait planer, consensuel. Parce qu'y a l'autre bad, l'autre wicked. Comme un maillot, beau chat, sans fumer weed. Caribbean girl, I need. Baby, my girl, fait un fly. Baby, my girl, fait un fly. Fait un passé, y'a un good time. Faut savoir la nuit la caille longue. Faut savoir la nuit la caille longue. Girl, mon rêve est au fly, oh, ouais. Quand ça tourne, mon j'en vois un tour. No, girl, mais n'a relevé, non, bien, non, ouais. Pass tonight, mon rêve est au fly. Caribbean, girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. West Indies, girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. Don't tell them, say yeah. We love Guyanese, girl. Don't tell them, say we love Martinique, girl. Say you are number one. Go tell them say we love Guyanese girl. Go tell them say we love Martinique girl. Go tell them say we love Guada girl. Caribbean girl, you know say you are number one. Girl, you are the number one. Et tu trop bada. Qui a Guyana, madame ou bada. Savez y'a pas blanc, my girl. A pas couillou nada. When you whine it, me love you harder. Girl, girl, c'est fait au fly, oh, ouais. Passe à tous les mots, j'en vois un tour. Tonight, mon rêve est au fly. Caribbean girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. West Indies girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them, we love them. Yeah. Admiralty last night, DJ Ken. This a pretty girl, them. This a girl is on them. Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-première événement de la pièce. Toujours instable et pourtant je m'installe. J'ai toujours les mains sales entourées de microbes. Et je fais pas le dur à la première occasion. Bicrave pas la pure ni la feuille de coca. Nous on est équipés, congolais est typé. J'ai toujours le ticket sous le costard. Prière devant Dieu jusqu'au jour on m'enterre. Je ne baisserai les yeux que devant la matière. Ceux qui mentaient finissent rappeur amateur ou au fond de leur mitard à la prison de Nanterre. Prince, oh. Ma vie quelle aventure. J'ai commis des ratures. Je reprends la route et j'ai mis tous mes boucs à l'arrière de la voiture. Ma vie quelle aventure. J'ai commis des ratures. Je reprends la route et j'ai mis tous mes boucs à l'arrière de la voiture. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. C'est les boss paraît-il, ils font les shows mais non paraît-il. Non paraît-il. On paraît pisse, mais négro dans le noir, t'arraches les rétines. Aucune confiance, gère tes baillets, fais belle et qu'à tes finances. Car les sous est la première science. Si tu veux pas finir dans le trou, être pris au piège. Kima, on traîne des histoires de ballots, de balance, de microbes, de petits malotrus. Kima. Cette vie me fatigue constamment, ça me fait tellement chier, j'en ai mal au cul. Faisons les bails donc ne parlons plus. Je veux me faire la malle mais la maille y'en a pas non plus. Déploie la panoplie, parlons de parents, prie pour que notre avenir part en mieux. Ma vie quelle aventure. J'ai commis des ratures. Je reprends la route et j'ai mis tous mes boucs à l'arrière de la voiture. Ma vie, quelle aventure. J'ai commis des ratures. Je reprends la route et j'ai mis tous mes boucs à l'arrière de la voiture. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Faudra me pardonner, mon Dieu, faudra bien me pardonner. Dieu, pardonne-moi, je suis perdu pour le moment. Dieu, pardonne-moi, je vois mes démons dans mon rétro. Dieu, pardonne-moi, je suis perdu pour le moment. Dieu, pardonne-moi, je vois mes démons dans mon rétro. Je vois mes démons dans mon rétro. Alexa de la bande originale du film La Pièce. Ouais, film. C'était Youssoupha, Sams et NASA avec Pardonné sur Trace. Oh, et du coup, il y a le signal qui a retenti là, il y a la trace roulette qui tourne. On est Jorlan. Bonsoir. Bonsoir Jorlan. Allô? Jorlan? Il s'appelle pas Jorlan? Comment il s'appelle? Allô? Allô? On l'entend pas. Bah allô? On t'entend pas, mec. Allô, allô? Jordan, peut-être? Dis-lui allô dans... Ouais, c'est peut-être Jordan. C'est Jordan? Allô? Allô? Allô? Ouais. Ah, c'est une fille. Tu dis stop quand tu es prête. Stop. Maman, c'est le réseau qui passe pas. Tu nous appelles d'où comme ça? Comment? Tu nous appelles de quelle commune? Maman. Ah, de Saint-Claude. Ah, c'est un peu comme Rivière Pilote. Ok, ok. Si ça se trouve, on le sait pas, mais tu es la cousine de Nessie. Il y a de fortes chances. Jorlan, tu m'entends? Allô, allô? Oui, allô? Ouais, est-ce que tu as un lien de parenté avec Nessie? Ah non, du tout. Non, mais c'est ce que vous non, pensez. Mais on sait très bien que les familles se sont construites à Saint-Claude entre frères et sœurs et cousins. Non, donc... c'est faux. C'est faux. Voilà. Bon, bref, on te met des invitations de côté. Tu sais combien tu lui en mets ou pas? On va mettre trois. Allez, trois invitations pour y aller avec... Son père qui est son frère. Et non, non, ça suffit. Avec trois personnes de ton choix, tu iras au cinéma. Et ben, toi, je pense que tu préféreras le Darbo. Mais je crois bien que, par contre, l'avant-première, c'est au Rex, ma chérie. Ouais. Est-ce que tu supporteras le voyage? Tu essaieras? D'accord, ok, on te met trois invitations de côté, ma chérie. Bonne soirée à toi, bye bye. À Saint-Claude, Trace FM. Ça passe. Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait SAP by SFR. Forfait SAP by SFR, ça le fait. Yes, on a deux nouvelles candidates qui vont nous rejoindre dans une poignée de secondes. Eh, hey, on sait qui passe ou pas? Parce que tu sais que les filles se bousculent pas pour être les premières à passer au micro. Ah, attention, ça s'est levé. Elle a des talons, elle est grande. Elle se rapproche, elles sont candidates à l'élection de Miss Martinique. Deux nouvelles d'entre elles s'installent en fait dans le studio de radio, histoire d'un peu mieux les connaître. On va leur poser quelques questions si vous en avez aussi. 0820 203 200. On se prépare également dans un petit instant à l'appel aux cocoteurs. Ouais, on va appeler Kevin ce soir. Ouais, Kevin, c'est l'appel qu'on va faire en direct. Kevin, il est en train d'être chauffé par chat interposé. Sauf que, bah, par exemple, pour ceux qui connaissent pas encore le cocoteur... Tu mets pas ton téléphone sur vibre, hein? Et puis le gars whine sur sa chambre. Chut, frère, tu es en train de tuer le son. C'est qui t'appelle? Alors, c'est Orange pour me dire, vous avez dépassé... Ouais, c'est ça, ouais. Non, non, je te promets. Elle s'appelle Orange. Vous avez appelé en illimité 80 contacts. Vous recevrez une alerte à 100 contacts. Au 101e contact et plus, appel facture hors forfait. Non, non, c'est sympa de prévenir. Hein. On est le 3 octobre. Le mois 4, le 4, ça va. Ouais, c'est bon, 80 personnes en 4 jours. Bah écoute, voilà quoi, c'est ma moyenne. Bref, les cocoteurs, ça ressemble à ça. On chauffe quelqu'un qui est inscrit sur un site de rencontre. C'est Hugo qui s'en charge et hier soir, c'était comme ça. Allô, salut, c'est bien Scolo pendre entre les cuisses, je te dérange pas? Bah, je l'attendais une photo de toi.

le ghetto you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, t'es jaga cry. A cause des bullet, bullet, bullet, bullet. Ghetto you qui j'adore. A cause des bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama qui jaga cry. Passa par un tune, j'ai fait mon dovin fou en plus mon page est web, yes, comme tiré tout seul, tout seul. John, nous qu'a foutu dans le sol, j'ai barré un bout du bon tonnant les dérèdes instrumentales. Bodem se, boom, bye bye, déjà on t'aime pas, j'ai chat, pas si boy, ça pas joué en momental. Welcome to the sale, le flag à morphine dans la, mais pour chaque son boy, j'ai une balle KLH, yeah. Interdit de se mélanger, si you dis moto, you get poudai. A cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet. Vous boule, ghetto you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet. Hop mama, t'es jaga cry. A cause des bullet, bullet, bullet, bullet. Ghetto youth qui j'adore. A cause des bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, t'es jaga cry. J'ai toujours ton nom, je donnais comme mon nom. J'hésitais mais pas qu'on est beau. Mais t'entends, j'suis content. On m'a dit que t'as un enfant. J'suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon courrier, les gens de l'autre voient rougir. Hey, j'suis tellement désolé. Insulte mon face, mieux qu'une fanfare. J'avais fasse-moi le phone, c'est qui là? Non, non, non, joue pas le bandit. T'es juste remplaçant sa mère, me l'a bien dit. T'as la main légère, j'vais t'enculer tes mains. J'ai deux dossiers sur toi. C'est pas le mec à peine. Big up tes chaussons, mais pas DJ. Vas-y. Oh oh, hey. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, j'quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Un tribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon blessé sur le palier. Comme autre Dieu, mais oh, j'suis médaillé. Pas monos, négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, j'quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas un plat de thieboudienne. Même moi, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'être en baisse. Sers-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton enfant, il sera pris d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les massas, mama, cousa, FLO, mara, salva, trocha. If you are real bad man, raise your hand. If you are real bad girl, raise your hand. Je soupçonne Tijo d'essayer de tester les candidates de Miss Martinique dans le studio avec nous à l'occasion de notre coordination d'agenda là sur Mada. On les rencontre, elles sont 5 et au total 10 d'ailleurs. Et 5 ce soir, c'est celle qu'on rencontre. Attention, ça secoue un petit peu la tête quand même. Ça n'ose pas trop bouger. Alors, chata bang bang ou pas les filles? Ça va? Vous avez décidé de ne pas parler sur du dancehall que vous aimez. Somebody say Oula. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. De nouvelles candidates qu'on découvre pour cette élection cette année. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avions découvert Morgane Edwige. Nous l'avions révélée. Nous l'avions portée. Et puis, elle nous avait même pas dit pour les histoires de problèmes de tweet. Elle nous avait même pas dit ça avant. On s'est senti un petit peu trahi, mais on a continué parce qu'elle a quand même fait un énorme parcours, mine de rien. Qui n'est pas fini. Ouais, il y a des gens qui disent que, en fait, grosso modo, elle n'est pas Miss France, mais Iris, en fait, fait la première partie de la première Dauphine. En fait, ils sont méchants, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a portée très très loin. Du coup, ça met pas un petit peu plus de pression également aux candidates qui arrivent juste derrière. On a Sandra avec nous et Mélodie. Ça met pas un peu de pression comme ça? Ça ouvre des portes finalement, une Morgane Edwige, ou alors du coup ça met la barre très très haut? Qui commence, Sandra? Eh bien, il est vrai que ça ouvre des portes. Moi j'aurais dit c'est vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette introduction. Il est vrai quoi. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous. Vas-y, fais des conjugaisons comme ça aide beaucoup Keshi. Il est où Keshi? Keshi, écoute bien, c'est comme ça qu'on dit. Quand tu dis comme si que, regarde. Il est où Keshi? Non mais Keshi c'est toujours ça, quand il y a plein de jolies filles à un moment donné, il faut qu'ils sortent pour se soulager. Pour ça évacuer suffit. La pression. On oublie. Bref, alors, il est vrai que ça ouvre des portes, mais en fait aussi... Approche-toi du micro. Mais aussi, c'est encore vrai que... Plus près. Approche-toi au maximum. Ouais. Mais aussi, il faut avouer que cette année, la barre est beaucoup plus haute. Et les membres du comité font tout pour que nous soyons vraiment efficaces. Et ils veulent aussi que le show soit vraiment satisfaisant pour le public. Ouais, c'est clair, il y a du spectacle qui se prépare. L'élection, c'est le 14 octobre prochain. Mélodie, tu es prête? J'essaie, oui, pour l'instant je le suis. Ok, on va passer à la petite carte d'identité de chacune. Ok, on va commencer par... Allez tiens, Sandra, qui es-tu? Alors je suis Sandra Lénéran. Ouais. J'ai 19 ans. Ouais. Je suis originaire de Fort-de-France. Ok. Oh là là là là là là là là. Et je suis étudiante en première année de licence de droit dans le but de devenir avocate. Ah putain, c'est incroyable ces phrases. On a l'impression d'être, tu vois, cette espèce de fluidité. Mais il va te perturber tout à l'heure avec la petite question inappropriée. Qui es-tu, Mélodie? Alors je suis Mélodie Joblon. J'ai 18 ans. J'ai déjà rencontré ton papa, je crois. Oui, je pense. Ton papa, il met des contraventions. Oui. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà rencontré ton papa. C'était bien ou pas? Comment il va? Bon, alors j'arrête tout de suite. C'est Mélodie qui gagne. Hein. J'ai besoin de récupérer mon permis, s'il vous plaît. Putain, le traumatisme! Tu sais, le nom de famille, bam! Oh. Ton papa! Ok, Mélo. Et je suis originaire de la ville du Lamantin. D'accord. Je prépare actuellement une licence STAPS, sciences techniques, activités physiques et sportives. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Merci beaucoup. En vue de devenir kinésithérapeute dans le sport du haut niveau. D'accord, ok. Massier des footballeurs de. Ouais, de renom? C'est pour ça. Pas exactement, en fait. Pas les footballeurs seulement, mais tout sport. Tous les gros sportifs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si Anthony Martial a besoin d'un kiné. C'est du winner. Peut-être comment? Comment? Un petit peu de massage ou pas de massage? Tiens, d'ailleurs, tu me permets de rebondir. C'est vrai que souvent, en fait, on fait un métier par passion, on s'y intéresse. Parfois, c'est aussi parce qu'on est doué pour ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter vers une carrière de kiné? Alors, comme... T'as vu, je suis sympa avec elle, hein, papa. Mes parents sont assez dans le domaine sportif, notamment mon père qui est ancien footballeur. Ouais, il court derrière les voleurs. Et donc... Il est footballeur. Et donc, quand il avait des crampes et tout, c'est moi qui le massais, donc ça m'a permis de m'améliorer. D'accord, c'est mignon. C'est mignon. Ok, ça marche. C'est quoi tes forces avant de passer à Sandra, à Mélodie? C'est quoi tes forces, par exemple? Ton petit truc en plus, parce que je sais que vous cultivez un peu votre personnalité. C'est vrai que on vous apprend à bien présenter avant que vous y impulsiez aussi votre propre personnalité dans votre présentation. Il y a encore un petit peu de travail jusqu'au 14 octobre. Vous allez encore apprendre des choses avant de vous l'approprier. C'est quoi ton petit truc à toi que tu cultives un peu différent des autres candidates, même si elles sont toutes tes copines? Je redonne ma plaque d'immatriculation au passage. DJ 233. On sait jamais si ton père écoute. Oui. Alors mon petit truc en plus, comme tu dis, c'est la détermination. J'essaie d'avoir le plus de détermination possible. Pardon. le plus de détermination possible pour, j'espère, être la Miss. Et après, représenter la Martinique au niveau national. Ok, ça marche. Pas de problème. Eh ben enchanté, Mélodie, comment on fait pour voter pour toi? Voter Miss 8 au 97 000 et pour la métropole, c'est le MM8 au 7-17-18. Maman, elle maîtrise le truc, hein. Elle maîtrise le truc. Donc, je suis partagé entre mon grand professionnalisme et te demander pareil, Sandra, et me dire, bon, quand même, mon permis, je veux le récupérer. Évidemment, Sandra. Alors, toi, c'est quoi ton petit truc, le petit truc que tu cultives? Mon petit plus, c'est mon sourire. Ça passe partout. Non, c'est vrai. C'est clairement, tu joues. Elle pétille. Ouais, elle pétille. Maman, elle sourit depuis le début. Non, ça vient de comparer à une bouteille de Badois, de Capes pétillante ou je ne sais, Didier. Elle sourit depuis le début. C'est vraiment naturel. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi, je me pose la question. Tu sais que j'ai toujours pas eu l'occasion de demander à Morgane, mais j'ai regardé parce qu'on a été tous passionnés par cette rencontre. C'est vrai que nous, notre candidate de Guadeloupe, elle était Mimi aussi, mais c'est vrai qu'à un moment ou un autre, tous les ultramarins se sont rangés derrière Morgane parce qu'il y avait un objectif, c'était la représentativité en fait. Et putain, ça a duré quoi? 2 heures et des poussières. Mais il n'y a pas un moment où le sourire disparaît, quoi. Tu dois avoir mal à la mâchoire, non? Non. Jamais. Depuis petite, je souris tout le temps. Ouais, c'est parce que t'es heureuse ma grand-mère a une phrase pour ça, il faut faire envie plutôt qu'à pitié. Non, c'est pas ça? Non, tu fais pas semblant, c'est un vrai, sincère sourire. Non. Ok, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, Sandra? Qu'est-ce qui me fait rire? Boire du chocolat. De quoi? Boire du chocolat? Boire du chocolat. Elle boit du chocolat et elle rigole. Le chocolat. Non, je n'ai pas. Alors, mets-toi debout, Hugo, on va lui montrer ta tablette. Vas-y. De chocolat. Non, tu veux pas lui montrer tes abdos, mec? Allez, montre tes abdos. Pas non, t'es plutôt tablette de chocolat ou plutôt mousse au chocolat? Parce que je peux me proposer aussi, si tu veux. C'est plus dense, tu vois, c'est moins dessiné. Enchanté en tout cas, les filles. Comment on fait pour voter pour toi, Sandra? Pour moi, alors, il suffit de voter. Pardon? Rapproche-toi, ma bête. Il suffit d'envoyer Miss 9 au 97 000 par SMS. Ainsi que pour les personnes qui vivent en métropole, il suffit d'envoyer MM9 pardon, au 7-17-18. Maman, il y a déjà des SMS qui partent, vous avez entendu? On vous met des photos évidemment en live, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Il nous reste une dernière candidate pour ce soir. L'autre partie de l'équipe, le reste des candidates, parce qu'elles sont 10 au total, ça sera la semaine prochaine, mardi prochain, lors de notre repassage dans le studio de Mada. Hashtag G97, hashtag TraceFM, qu'est-ce qui t'arrive, mec? Notre repassage, c'est juste un moment passionnant. Le moment passionnant de l'émission, notre repassage la semaine prochaine. Et écoute, mec, je suis en train... Non, mais il n'y a pas de soucis, non, c'est les tâches ménagères, c'est normal. Et tu es sûr que tu veux me railler? Je suis en train de préparer mon réseau, hein. C'est quoi ta plaque d'immatriculation encore? Ce soir, il y a des mystères, il n'y a pas de camarades. Chacun pour sa gueule. Merci d'avoir été avec nous. On découvre la dernière candidate de ce soir dans un petit instant. On revient avec de l'appel aux cocoteurs. 0820-203-200. Un petit peu plus tard, il y aura du sexe confessionnal aussi. On se prépare à du jeu aussi, Keshi. Qu'est-ce que tu nous prépares, mec? Le big quiz. Ça arrive, le big quiz. À tout de suite. Vous êtes entre 19 et 22h. TraceFM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et t'as gué passage. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur TraceFM. Le replay de Génération 9-7 aussi dispo sur trace.fm. Ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, TraceFM et le forfait SAP by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hé poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée en avant-première TraceFM avec le forfait SAP by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces? Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820-203-200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-premier événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait SAP by SFR. Forfait SAP by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm.

baby. Them a got bang, girls a juice man, plan a bang, dirty and strong, strong. Aki walk me, she a weird pan, pan. She a weird, weird pan, weird pan. Bang, wedding plan me. She a weird pan. Bang bang, sexy and, sexy and, sexy and brown, sexy and brown, black and brown. Bang bang, a weird pan, she a weird pan, pan. A cute rap plan. So me girl them wine, they ba me give pay bow. They beat a boy cut out. Who this all that man know? Met go on but cow cow, but so we be on home give a tow. Donc là oblige wine, oblige wine, girl. Pas prendre la peine fait scandale. T'as l'air où t'es capable, actuellement c'est moi capable. Où ça serait bien qu'un piqué qui t'es wallé. Mister baby girl, comment tu fais ça? Tu le dis. Dimanche tu wine ton goût. Mister, ok. So me girl them wine. Ama y tota. Wine. Ama y tota. Avec chalet, girl, nous savons très bien où aimer ça. De l'air où tout seul ou cabrine ça. Donc, la obligé wine. Ama y tota. La obligé wine. Ama y tota. Avec chalet, girl, nous savons très bien où aimer ça. De l'air où tout seul ou cabrine ça. En bas quand même. Pas le bout d'un brune. Sol là où on vit, man. Les autres la savane pas la bonne. Comme bon, t'es pas où y'a des années. Pour le moment, soldat me la gâte en nous. Pour le moment, soldat me la gâte en nous. Oui, dis non, ou dis non, ou dis non. Mais quand tu joues ça, pas de biche. Assommez-vous d'un billet, gal. Bye pour tout, il n'a mes petits. Yo, pas de p'tit, c'est mes frères. Pas de billet, avoir une grippe, mais ça, big man free. Assommez-vous d'un billet, gal. Bye pour tout, il n'a mes petits. Yo, pas de p'tit, me and things, c'est mes frères. Man free. I saw me good and me a girl can't see. Top class and me a play down the shandy. I saw me good, I saw me good head seat free. Top class and I'm Jackie in a derby. Him never know some me bad like that. Him never know some me bubble could a clap. Him never know some me slim as out of fat. And when me lock him in a bed, me turn him in a four now. I saw me good and me a girl 5 foot two in a me head seat. No for them, them things that me frail. But me a walk the grip and me sound big man free. I saw me good and me a girl 5 foot two in a me head seat. No for them see me and things that me frail. But me a walk the grip and me sound big man free. Watch how me wine, watch how me move me little body. Come here rude boy, rude boy, need a hobby. You want me together with that feel like a melody. But me from a dish. You're from the show, say you are real bad boy. Knock up here again because no me. You don't try when you ready come then you tell me no call. With them little lock in a car in a broad daylight. I saw me good and me a girl 5 foot two in a me head seat. For the kids, cause that's what mommy do. So I smoke my spliff, spliff it hard. And she says that's my foot, spliff it hard. Let's spliff it hard, spliff it hard. Spliff it hard, spliff it hard. Let's spliff it hard. You got to keep yourself, good body. Spliff it hard, hard, hard. You gangsta, gangsta, gang, gang, gang. Paris, ça. Pendant 3 heures, derrière un tronc d'arbre. Je t'aime, je t'aime aussi. Big up, petit jeu sound. C'est le moment où ils descendent dans le parking, là. Où ils sont encore dans l'escalier. Où ils sont encore dans l'escalier, tu sais, du hall de la maison. Tous ensemble. Assez. Avec les saris. Tout le monde sort les saris dans les voitures en bas, ce parking. Bon, Alors, il y a eu un mort, apparemment. Ouais, ça n'a pas duré 3 heures non plus. C'était la version courte. Génération 9-7, le soir, prends la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appel et exprime-toi en direct. En direct. On est toujours avec Sandra et Mélodie, deux candidates. Et attention, il y en a une dernière qui va nous rejoindre dans un petit instant. On aurait dû leur faire faire le big quiz, en fait. On a des candidats qui débarquent au standard dans une poignée de secondes. On verra si la dernière candidate, ça sera pas son épreuve. On a des petites questions pour vous. Des questions, attention, à laquelle il n'existe pas forcément de réponse, mais à laquelle vous devez quand même nous répondre. Des questions un peu hors format. C'est vrai qu'un certain nombre de questions sont balisées pendant votre élection. Tout est une répétition. Nous vous préparons au pire. Nous vous préparons à l'inattendu. C'est parti. On commence par Sandra ou Mélodie? Sandra. Allez, go. Dans quel cas utiliserais-tu l'expression « les arbres se débranchent » ? Tu as 15 secondes pour réfléchir avant de répondre. Pas tout ça. 15 secondes. Il ne reste plus que 10 secondes. Donc finalement, 15 secondes, Ibo ? Non. Tu es prête ? Oui. C'est bon ? Oui. Je lance le chrono. C'est parti. Go. Je dirais ça en voyant des arbres déracinés. Tout simplement. Donc, c'est une vraie personne du peuple. Ah ouais. Une vraie personne. Aïe, mon Dieu, ne passez pas du côté de trois îles, c'est dangereux, les arbres se débranchent. Je crois qu'on a encore le remix. Je vais le rediffuser tout à l'heure. Attention, question pour Mélodie. Mélodie, selon toi, Rocco Siffredi a-t-il le bras long? Tu ne sais pas qui est Rocco Siffredi? Non, c'est une question. Si, je sais. Tu sais. Ah non, pas égal. Aïe, aïe, aïe. Non. La bavure. Non. Tu sais qui c'est? Non, elle pensait que tu parlais de le Rocco. Rocco Siffredi. Et son Rocco. Non mais, alors, est-ce qu'il a le bras long, Rocco Siffredi? J'en ai aucune idée. Ah, bien. Bien joué. Tu aurais pu répondre aussi, je n'ai jamais mesuré. C'est évidemment des questions auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre. Des questions auxquelles il faut quand même nous offrir une réponse. Nous savons désormais que lorsque des arbres se déracinent, ils se débranchent. Et nous ne savons toujours pas si Rocco Siffredi a le bras long. Merci les filles. Rappelez-moi comment voter pour vous. Alors, Sandra. Alors, pour voter pour moi, il suffit d'envoyer par SMS Miss 9 au 97 000, et si vous habitez en France métropolitaine, il suffit d'envoyer MM9 par SMS au 71718. Et si vous êtes en direct d'un arbre qui s'est débranché, rapprochez-vous de l'habitation. Rapprochez-vous. Mademoiselle Mélodie. Alors, si vous voulez voter pour moi, vous envoyez Miss 8 au 97 000 pour les Antilles françaises et la Guyane, et pour la France hexagonale, MM8 au 71718. Je vous rappelle évidemment que ma plaque d'immatriculation est DJ803. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon, elle est où la dernière candidate là? Not take it for personal, no at all, Don. Assieds-toi, installe-toi. Mets-lui un casque. Qu'elle entende la musique qui augmente la tension dramatique. Bonsoir. Aïe aïe aïe. Bonsoir. Rapproche-toi au maximum du micro. Comment t'appelles-tu? Bonsoir, je m'appelle Samantha. Ah, j'aime bien sa voix. Oups. J'aime bien sa voix. Petite voix grave, comme ça. Non, t'aimes pas les voix graves chez les femmes, toi? Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire les voix aiguës chez les hommes ou pas? Je fais tout pour essayer que le cocoteur ne lui colle pas à la peau. Mais non, chaque fois que je lui tends une perche, monsieur dit non. Mais arrête de tendre des perches déjà. Samantha, tu nous viens d'où? Bonsoir, je viens de Fort-de-France. Ah, quel âge as-tu? 22 ans. Tu travailles déjà dans la vie, tu fais des études, tu fais quoi? Je suis étudiante en DUTTC, technique de commercialisation. Il y a un monde qui s'avance. Attention. Samantha, tu as 10 secondes pour me vendre ce stylo. Bon, il n'est pas de toute première fraîcheur, il est un peu abîmé, mais... Il faut que tu vendes son côté vintage. Et voilà, il faut que tu trouves le moyen de me vendre ce stylo. C'est des trucs que tu fais, que tu apprends dans les cours en plus, ce genre de trucs. Oui, au début, oui. Au début. Ah, donc c'est pas assez fort pour toi. Ok. Non, je suis une ancienne STAPS, en fait. Non, ah en plus sportive dans l'âme. C'est quoi ton sport préféré? Il y en a pas, tu aimes tout? Non, tout. Dès qu'il s'agit de bouger en fait, voilà. Sérieux? Oui. T'aimes la Zumba? Oui, j'adore. T'adores la Zumba, danser en plus? Danser, ouais. Oui. Ouais, ouais. Ça tombe bien. C'est quoi ton style de musique préféré? Elle a flippé. J'aime tout. J'aime de tout. Ces gens qui ont pas des goûts très prononcés, tu sais, elle aurait pu dire j'aime la musique des années 60 par exemple, tu vois, j'adore, je sais pas, Eminem. Bon, Eminem. Eminem. Des années 60. Non mais je te prends des exemples des gens qui peuvent arriver avec des goûts tellement spécialisés, tu sais. Ouais. Moi j'adore la trap musique, tu sais, d'un DJ qu'on ne connaît pas. Tu vois, par exemple, des goûts super pointus, t'aimes tout en fait. Rien ne te dérange. Alors qu'est-ce que tu détestes? Mais en fait, rien. Mais maintenant que je me pose la question. La trap musique, c'est certains sons de trap musique. C'est-à-dire quand ils disent panda, j'aime pas beaucoup. T'aimes pas panda? Non, panda, oui. C'est bien. T'aimes bien panda. Oui, panda. T'aimes pas Migos? Non, Migos quand même, la base. La base? Mais alors, okay, j'ai pas compris en fait, qu'est-ce que t'aimes pas comme morceau de trap? La trap française. Ah ouais. Ouais, ouais, le genre quoi? Attrape Migos. L'attrape Migos. C'est très bon ça. Bon, alors, comment tu t'es retrouvé inscrit dans cette aventure? Parce que tu m'as l'air bizarrement très sûr de toi physiquement et en même temps un peu intimidé de passer à la radio. Comment t'expliques cette contradiction dans la même personne? C'est assez impressionnant en fait, parce que je vous entends depuis que je suis toute jeune, ouais, au collège et tout, ouais, à travers ma radio, oui. Ouais. Et là, vous voir en vrai, c'est impressionnant. Ouais, tu kiffes. Vous êtes beaucoup moins beau que dans ma radio. Elle a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Non, mais tu peux le dire pour Sabri, par contre. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200, heure du décès, 21h40 aux Antilles, 22h40 en Guyane. Avec toi, on va te demander une question à laquelle tu ne t'attends pas. Tu es prête? Oui. Alors... Tu as 15 secondes pour réfléchir. Pourquoi les magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24 ont des serrures et des portes? Ouais, celle-là elle est dure. Celle-là est dure. On joue pour 1 million d'euros. Pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures et des portes? Rappelle-toi, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que ta réponse qui compte. Bonne chance. On y va. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre à ta question. Mais non. Une vendeuse comme toi. Trouve une réponse pour moi. Allez. Le style. Pour le style? Ouais, voilà. Le swag. Le magasin ouvert 24 sur 24 s'est dit, putain, tu sais quoi, je n'ai pas besoin de la porte. Je n'ai pas besoin de serrure, mais je fais le swag quand même. Ça nous ira, comment on fait pour voter pour toi? Alors, pour la Martinique, la Guadeloupe ainsi que la Guyane, vous votez le Miss 10 au 97 000. Et ainsi que pour la France métropolitaine, vous envoyez MM10 au 7-17-18. 118, 718. Ah. Elle le fait bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous les filles. Un petit mot d'ailleurs sur Morgan Edwige qui a géré un truc exceptionnel. Elle va se retrouver à défendre un titre universel en fait. Mondial. Miss Monde, oui. Oui, c'est Monde. Oui. Tu sais, je m'y perds un peu. Je sais, c'est compliqué. Je m'y perds un peu. Miss Monde. Manu. Comment elle a été prise la nouvelle? Parce que mine de rien, c'est tout chaud bouillant, ça vient d'être annoncé en fait. Ouais, ça sort du four, ouais. Bonsoir tout le monde. Vous avez fait un croche-patte à Iris? Non, il n'y a pas besoin. Ouais. Non, elle a pu décrocher sa place parce que effectivement, Iris Mittenard, la Miss France en titre, elle va à Miss Univers. Et donc c'était en toute logique, il fallait que Morgane représente la France, puisque c'est la France qu'elle représente, à l'élection de Miss Monde. Alors, j'ai pas compris, parce que tu as mélangé plein de trucs. Donc, alors, qui est universel et qui est monde? Tout le monde est universel, là. Ça y est, ça. Bon, attends, j'ai 15 secondes pour réfléchir. Alors, je t'explique. Vas-y. La Miss France va à Miss Univers. Ouais. Et Morgan Edwige va à Miss Monde. Ok. Elle représente toutes les deux la France. Ok. Voilà. C'est bon? Ça marche, ouais. J'ai le truc. J'ai compris. Ça marche. Bon, beau cru cette année, Manu, vous en pensez quoi un petit peu de vos équipes? Ça va, ça va. Elles sont, elles sont toutes belles. Elles ont toutes effectivement la motivation qu'il faut. On est à J-10 de l'élection maintenant. Et elles carburent pour offrir un magnifique spectacle au public le 14 octobre. On a donc exactement 10 jours pour choisir notre préférée, pour la soutenir coûte que coûte, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et peut-être la porter encore plus loin lors de la prochaine élection de Miss France. Et justement, avant l'élection du 14, vous avez prévu quoi ? Effectivement, il y a le Miss Martinique Fashion Show qu'on organise le samedi 8 octobre. Donc ce samedi, ça sera à la place Andrea Liquer au Lamantin. Donc vous pourrez venir voir les candidates qui se sont présentées à vous ce soir. Elles vont défiler, entre autres, pour se présenter au public. Et avant ça, il y aura ce qu'on appelle un espace mode afin que le public puisse découvrir un peu le monde des Miss. Il y aura un photographe, maquilleuse, coiffeuse qui vont les mettre en condition en fait pour qu'elles puissent connaître un peu l'univers de Miss, du mannequinat. C'est une grande répétition avant. On peut dire ça, ouais. Donc c'est de 16h à 21h30 à la place André Aliquet au Lamantin. Vous avez regardé les vidéos, un petit peu de présentation des Miss qui tournent un peu sur net. C'est super bien fait. C'est incroyable. Elles ont tourné dans une grosse production américaine, quoi. C'est le ralenti là sur les pontons, dans les jacuzzis, je me suis dit, oh là là là là. C'est assez impressionnant. Oui, c'est l'aspect technique qui t'intéresse. Ouais, bien sûr, parce que moi je suis du milieu, quoi. Je connais ce jeu. Je suis sensible à la qualité léchée de l'image. J'ai dit rien. Tu as reconnu le ponton. J'ai reconnu le mec même qui est l'équipe qui a fait ce travail. Magnifique. Très belle équipe, pour remercier encore. Voilà, hein. Tu vois, Moss Abdelawid, tu connais pas? Enfin non, c'est pas son vrai nom, faut pas l'appeler comme ça. C'est son petit surnom, non, faut pas dire ça comme ça, ouais. On lui envoie un big up. Big up à toi. Parce que si je dis son vrai nom maintenant, on va savoir qu'est-ce que c'est. Non, on oublie ça. Un gros big up évidemment. Et puis la semaine prochaine, Manu, au retour studio Mada, mardi prochain, on reçoit les 5 autres candidates. Exact. On a décidé de les séparer en parce que sinon le cœur de Kishi n'aurait pas tenu. De les séparer en 2 groupes. Donc la semaine prochaine, 5 autres candidates. Merci. Si. Alors si dans les candidates de la semaine prochaine, j'ai déjà géré pour les contraventions, si tu peux gérer pour les impôts, okay. Dans les candidates prochaines, éventuellement, quelqu'un veut si un papa ou une maman, tu vois, de candidate qui travaille dans une compagnie aérienne, ça nous va aussi. Hein, vous voulez pas qu'on se fasse un timeshare, je sais pas, aux États-Unis, un truc comme ça. Donc une candidate dont les parents ont un timeshare. On va rajouter ça dans les critères de sélection pour l'année prochaine. Ouais. S'il te plaît, je compte sur toi. Je compte sur toi. Merci d'avoir été avec nous, Manu, en tout cas. Merci les filles également d'avoir fait un petit détour par la case Trace Studio. Un gros big up à vous. Bonne chance pour l'aventure. On reste en contact. Et puis, on se prépare également dans un petit instant à de l'appel au cocoteur, la hotline. On jouera également avec Dubiquiz. Alors, c'est Maud qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Maud. Allô, allô. Salut, ça va? Tu fais ta rentrée? Ça fait un petit moment, toi? Ouais, ça fait longtemps. Bon, cool. Alors, Willem est là aussi. Bonsoir Willem. Et salut. Ça va, la forme? La forme. Ok. On a un petit jeu de questions générales et il nous manque une candidate. Est-ce qu'il y a une volontaire parmi les Miss qui sont avec nous? Attention, je compte jusqu'à 5. Sinon, je désigne quelqu'un. 1, 2. Elle s'approche. C'est bon, il y en a une. C'est bon, elle s'est désignée? Ah non, mais si tu perds le jeu, ton papa va m'enlever mon permis, vraiment. Ah non. Ah mince alors, j'ai mal géré mon truc. On se fait un petit son, on revient avec Dubiquiz dans un instant dans Génération 97. Big up Tijosa, Big Bad DJ. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français.

ce soir. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Somebody say pull up, Romelo au début s'il te plaît, j'ai pas entendu mon générique comme il faut. Je croyais que c'était toi le vrai fan de Pokémon en fait, Sabri. Oh, non. J'écoute, laisse-moi tranquille. Des dreams. Dédicace. Pika pika. Il y a des images de Pikachu en train de faire son dab ou pas? Attaque éclair. Le remix by Sabri. Manu. Pika pika. Hashtag G97, hashtag Trace FM, merci d'être avec nous dans la joie, la bonne humeur. 0820-203-200 pour nous joindre les traceurs, où que vous soyez, Mada, Guala, Yana. On vous attend également évidemment avec du cocotteur dans un instant sur Trace. Une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Ici c'est la libre antenne des auditeurs. Elle est faite par toi, pour toi, chez toi, avec toi. Génération F7, 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Yes, on va jouer au Big Quiz avec... Ah bah tiens, Maud a fait sa rentrée, toujours à la Maud. Ça va Maud? Putain, par contre, il est peut-être un peu ringard ce jeu de mots. Un peu. Un peu beaucoup. On t'entend pas très très bien, il y a moyen que tu coupes le haut-parleur, que tu débranches le respirateur artificiel. Oui. Non, ça va, j'ai branché. Ouais. Est-ce que tu peux te priver de... Ouais, pas top. Est-ce que tu peux te priver d'oxygène au moins 45 secondes, une minute? Là, c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Mais tu te mets pas en danger, là. Ça va aller? Non, ça va. Ça okay. va aller. Bon, bah, tant mieux, alors. Bouge pas. On a Willem qui nous rejoint aussi. Bonsoir, Willem. Yo. Salut, salut. What's up? Ça va, tranquille. Bon, alors, Willem et Maud, vous allez être... aidé par une ou deux candidates. On prend les deux ou pas? Tu veux jouer ou pas? C'est un test de culture générale, attention. Tu joues ou pas? Présente-moi les candidats s'il te plaît, Sabri. Les candidates, vous allez faire une partie à quatre avec deux candidates de Miss Martinique qui se proposent ce soir. Il y a donc d'un côté Mélodie, Samantha contre Willem et Maud pour gagner. Il faut donner la bonne réponse, évidemment. Mais pour donner la bonne réponse, il faut donner son prénom avant. Attention, je n'accepte aucune bonne réponse s'il n'y a pas le prénom qui est donné avant. Ladies and gentlemen, here come the best word all over the world. The best game. C'était quoi ce bruit là? Mon cœur qui battait trop fort parce que tu t'es trompé de jingle. Non mais mec, il faut que tu prennes des médicaments contre les trucs cardiaques toi. C'est ton cœur qui battait là, frangin. Ça fait un peu flipper. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tu m'as stressé, frère. Ok. Tu vois, arrête. Bon, arrêtez de bouger. Personne ne tape sur la table, à part moi. Ok. Tu me palpites. Arrête de me de palpiter. Arrêtez de vous palpiter à cause de moi. Ok, ça suffit. On y va, on touche à rien. Ladies and gentlemen, here comes the best game all over the world. I really love this game. We now play the big quiz. The big quiz, baby. Attention, une série de 5 questions. Votre prénom pour prendre la main. Voici la première d'entre elles. First question. The first question. Let's go. Louis Lumière, il a inventé le cinéma, l'électricité ou l'appareil photo? Maud. Maud. L'appareil photo. Mauvaise réponse. Maud encore. L'électricité. Mauvaise Samantha. Réponse. Samantha. Maud. Le cinéma. Bonne réponse. C'est bien une technique de saleté ça. La meuf elle attend que l'hôtel monte au créneau. Tu sais, on dirait ça. Vas-y, monte les marches, tu vas tomber. Ça m'énerve quand ils font ça, tu sais, dans Roland Garros. Le mec il est au filet, il renvoie la balle de tout. Ah là là, ça m'énerve. Bon bref, on enchaîne sur la second question. Second question. Au Japon, se couper les ongles la nuit, c'est une coutume? C'est conseillé? Ou ça porte malheur? Willem. On t'écoute. Ça porte malheur. Bonne réponse. Eh bah Bien joué, Willem. J'ai cru qu'il n'existait pas jusqu'à ce qu'il parle là sur cette question, hein, les gars. Bien joué, mais déterminé. Il est là. On y va pour la question locale. C'est la troisième question. Ouais. Qui dit question locale dit jingle local. Et pour ceux qui suivent l'émission depuis leur plus jeune âge, vous rêvez de savoir comment se déroule ce jingle. Fermez les yeux. Vous n'avez pas le droit de regarder. Question locale. Jingle local. Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est la question locale. Local. C'est waouh. On n'a pas fait le mi-consa. Aïe aïe aïe. On y va. Mi-consa. Mi-consa. Mi-consa. Mi-consa. Consa. Tu fais pas bien. Chaque fois tu es Ah merde, on peut plus l'arrêter. On l'a perdu. Voici la question locale. Elle vaut 2 points. Des points. Que dit le célèbre proverbe guyanais ? Si tu manges du bouillon d'Awara, tu survivras. En Guyane, tu reviendras ou tu aimeras. Samantha, tu reviendras. Samantha. Et c'est la bonne réponse. Tu t'y connais en Guyane ? Pas du tout. T'es bonheur la chance. Wap ma bran. Yale. Wap ma bran. Wap ma zizina. Mikonsa. Mikonsa. Mikonsa. Vous attendez trop ça. Trop ça. Bon bref, on est con. On arrête, on se tient bien. Du glamour, s'il vous plaît. On redresse un peu, port du corps, ok. Poitrine en avant, les épaules bien dégagées vers l'arrière. L'été des pointés. Toi, tu travailles Miss France Jackie et Michel, toi. C'est Jackie et Michel, toi. C'est toi qui as découvert Valérie Beck, non? Hashtag G97, hashtag Trace FM. On y va, c'est parti pour la fourth question. Qui dit fourth question? Here comes the fourth question. La question qui se fait postionner, on part avec Fouillante. Quelle est la capitale de l'Italie? Est-ce que c'est Florence, Venise ou Rome? Mélodie, Rome. Willem. Ah, attention, dans l'ordre précis, Mélodie. Maud et Willem. Alors, Mélodie d'abord. Rome. Et c'est la bonne réponse. Elle t'a demandé la capitale de quoi? R-H-U-M, Rome. Parce que c'est un peu la capitale aussi de la Guadeloupe, oui. C'est un peu la capitale de la Martinique, c'est un peu la capitale de la Guyane. Enfin voilà quoi, je veux dire, c'est la capitale de la Caraïbe. Hein, oui. Enfin, on est tous au courant. Donc, on en est où du score? Tu peux me donner les points? On cumule Samantha et Mélodie? Ouais, on va faire un... Non, mais non. Bah oui, pourquoi? Ben non, elles sont 4 candidats. Ils sont 4 candidats. Ok, d'accord. Bon, okay. Ben, égalité entre Samantha et Mélodie avec 3 points et 1 point pour William. Maud, 0. Maud. Oui. T'es passé de Maud. Non, c'est pas. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas dur. Non. Bon, non. Personne ne se mode de Maud, s'il vous plaît. Ok. On y va. C'est parti. On enchaîne avec la dernière question. S'il te plaît. Ah putain, l'autre il est bloqué en mode question locale. Micro ça. Voilà, je pensais dire des bêtises. Ah, ça suffit, laisse-moi me concentrer. T'as bloqué la machine, frère. C'est parti. Final question. La question derrière laquelle il n'y en a pas d'autre, celle qui peut te faire repartir avec la victoire. On y va, on inspire tout le monde. On expire. Je ne vous entends pas respirer, Willem et Maud. Vite de la ventoline pour la ligne 4, s'il vous plaît, de la ventoline. Vous coupez votre respiration. Vous ne reprenez pas votre souffle avant d'avoir répondu à la question. Final question. Steve Jobs, il était d'origine américaine, suisse et libanaise, syrienne ou arménienne? Wow. Willem. Américaine. Alors, oui, on sait qu'il est d'origine américaine. Il y a une deuxième nationalité. Et alors, il faut choisir entre libanaise, syrienne et arménienne. Maud. Arménienne. Mauvaise réponse. Mélodie. Libanaise. Mauvaise réponse. T'as dit guyanaise, toi. Le libanais. Ah, pardon. C'est quoi Samantha les deux Syrienne. Autres réponses? Samantha dit et c'est la bonne réponse. Ça s'est William, joué un peu concentration, de William. Il cherchait les réponses dans sa tête, mec. C'est pas grave, tu dis la numéro 1, frère, tu gagnes du temps. C'est donc Samantha qui remporte l'élection du Big Quiz ce soir. Applaudissements pour elle. Bon, c'était pas facile ce Big Quiz, hein. J'ai trouvé ça pas facile du tout. Hein. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Comment il s'appelle le mec là qui est à moitié syrien, à moitié américain? Steve Jobs. Ah, tu as rajouté un S entre temps. Ouais. Ah, ouais. Parce que je me suis demandé, hein, Steve Jobs. Ok, ouais. Pas de problème. C'est trop biblique pour toi. Non, j'ai pas pensé à la Bible, c'est marrant, j'ai pensé aux feuilles. Oui, les feuilles, Job. Ah oui, d'accord, j'ai vraiment que des gens qui fument pas autour de moi, quoi. Ah oui, Tikam, tu peux m'aider quand même. Lui, oui. Tikam, non. La même famille que toi. Non, j'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Ça vous dit rien? Non. Non mais me laissez pas seul là derrière le standard, les gars. Franchement. Non, rien du tout. Ah, tant que le cannabis n'est pas légalisé, en fait, de toute façon, personne ne fait de blague à propos des feuilles à rouler. Le cannabis? Quelle chaîne? On revient dans un instant, Génération 97, Malaguadayana. Eh, on va terminer sur du cocoteur ce soir. Un grand bravo à toutes les candidates qui sont passées nous voir. Bonne continuation. À bientôt. Plaque d'immatriculation. DG 703. Je dis ça, je dis rien. On termine avec un cocoteur ce soir. L'idée du cocoteur, c'est de chauffer un mec très très chaud déjà, puisqu'il est inscrit sur un site de rencontre. Ce mec s'appelle Kevin. Ouais, c'est Kevin. Tu le chattes, tu le papotes depuis tout à l'heure. Ouais. Là, il est cuit, je pense qu'on peut l'appeler. Il est cuit. Il est cuit. Donc, tu passes à la dégustation? Oh non, je laisse ça pour toi. Ah, trop sympa. Il est gentil. Moi, je mange saignant, désolé. Merci d'avoir fait la cuisine, hein, Hugo. On compose le numéro de téléphone du cocoteur. Attention, le prochain, c'est peut-être toi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Kevin. Ouais. Comment tu vas? Ouais, moi ça va. Si on se voit un petit peu plus tard dans la soirée, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se caresser, t'as vu, je tripotais un peu. Ouais. Oui, c'est sûr que après toi et mon cher l'amour, on prendra du plaisir. Ouais, tu es comment, Chabin, Black, tu es comment? Bon, je suis black, t'as vu, assez musclé parce que je fais beaucoup de sport. T'as vu, j'ai des cheveux coupés courts. Mais tu travailles dans quoi? Moi, j'ai une société de nettoyage industriel, ouais, qui vend des matériaux de construction. Et du coup, pour décompresser de temps en temps, t'as besoin d'une petite salope? Ouais, tranquille. Eh ben, je suis là. Oulala. Et donc, ce soir, quand j'arrive chez toi, on fait quoi? On fait ça sur le lit? Je pense qu'on ira sur le lit après. Parce qu'on doit, franchement, je dois te faire visiter toute la maison. Alors, il va falloir que tu passes dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine et dans les trois chambres. C'est vrai. Et après, ce sera sur la terrasse, en plein air. Oh, tu me mets dans tous mes états. Attends, je te fais écouter. Elle est vraiment belle, c'est bien rasée. Oh, ouais, pas mal. Enfin, j'ai laissé un tout petit ticket de métro, tu vois, mais ouais, sinon elle est rasée. Ah oui, j'adore. C'est ce qui est métro. Quand j'étais enfant, j'ai tellement pris le métro. Tu peux gémir? Faire quoi? Est-ce que tu peux gémir? Ouais. Ah. Si tu pouvais te voir tout de suite, t'as vu, je t'aurais donné une avant-première. C'est vrai. Là, je me vois en caressant. Vas-y. Plus fort. Plus vite. Ah, va au fond. Oh. Oh. Oh putain. Oh. Oh. Oh putain. Oh. Je suis en toi, bébé. Oh. Oh ouais. C'est sorti? Ouais. Sérieux? Ouais. Oh. Mmh. Ah ouais.

sens, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La danse fait démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Tu l'as choisi, elle t'a choisi. Le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est à t'ultimer, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la danse fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Radio musicale numéro 1 des Antilles Guyane. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Mon vado pas mi frio. Mon rage et mettez le vel à tout de ton petit topic. La radio capa et ton dépôt plein de gaffa. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Dans la pompe, frio, man. Mon rêve, c'est mettre le vela. J'ai ton président, puis que la radio va pas étonner pour plein de cafards. Ça rabat et rendez-vous, soit que pénitencier. Si mes bas nous semi-liberté, permission, refusé, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talonnais pour pousser. C'est bête à la cababo maltaise. Parfois, bad baya carré dystopie. Surtout l'opra gaffe, tu te poules la tête. Ma camane disait tirène. Pour son friend qui l'a joué la frio. Pompi DJ frio, man. Mon rêve, c'est mettre le vel à tout ton petit ton pic radio, cabaye ton des bons plein de cafards. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Mon vado ta la frio. Mon rêve c'est mettre le vin là. Le tout petit ton pic la radio papa. Il t'en est pas plein de gaffe. Non non, mon palais retourne là-bas. On laisse à la big up fire. 10 ans, 20 ans la jolle pas molle. Stéphane n'y est pas fait du contrôle. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Mon vado pas mi frio man. Mon rêve c'est mettre le vin. Topic radio capable ton des pop plein cafao. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Ouais ça faut pas le mot frio man. Mon gars c'est mettez le level là. Trito président topic radio capable ton des pop plein cafao. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Ouais DJ T will pull up man. Mon gars c'est mettez le level là. Trito président topic radio capable ton des pop plein cafao. Tu connais, t'as dit quoi comme un jour. Au fond que toi assis à pas l'école à la jol. Tu connais, tu connais. On a big up tout, c'est OLGL man. Nous m'en rappeler PS Indigent. Yeah man, yeah man. Et fire big up. DJ, Safo, Safo. A du quoi comme un jour. Mercury Beach, hit 2016. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psyche. Chico. It's like you never

you a one-on-one. I wanna go one-on-one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're a one-on-one. I wanna go one-on-one with you. One-on-one. And I want you to want me too. You're a one-on-one. I wanna go one-on-one with you. Take the thug in me and put some in you. Now you wearing bandanas, rocking your man's flannels. Flight to Dubai, gotta pop a Xanax. Me no love for them body boy antics. Gonna make me you poor choppers out the attic. I'm a savage, straight savage. Yeah, they laughed at my dreams of living lavish. Be no pretender, we both remember. All these hoes was ghosts, far I had to phantom. Far I had to gram, I couldn't get at them. Before I rock rings like Saturn, they ain't wanna hang out when I try to plan it. That's why I give all I have to you. Then I know I got the juice. Then I know. Then I know I touch money like masseuse. Damn, don't I was made custom for you. Only get my love. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Yeah, grind and bond with you. You a one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't have to front, it's true, yeah. You're a one-on-one. I wanna go one-on-one with you. One-on-one with you. One-on-one. And I want you to want me too. One-on-one. I wanna go one-on-one with you. Observe you, t'en fais moins passer pour t'inette. Pour te cerner you, en se volant son pirate. You be pas berner moins, you be pas cerner moins. Ouais c'est mais c'est des tirates. Casse ses zoos au chien. Moi qui pelte you, en se volant son pirate. En se volant son pirate. Plan qu'à montant qu'à songer. Mon nas à carambi moins des coups. Yo dis moi Jordan qui arrive où. Chante à mes trous, je vais faire passer pour Tinek. Qu'est-ce que vous pratiquez comme ça avant? Par les sources du papon tirac, par un traitant à copinage, moi observé yo. Enfin, moi passer pour Tinek. Pointé cerné yo, en se volant son pirate. Yo peux pas berner moi, yo peux pas cerner moi. Ouais, c'est mes c'est des tirades, car c'est des oies au conchien. Manqué pelleté yo, en se volant son pirate. En se volant son pirate. En pas bizin yo, en pas bizin zami. Moi bon Dieu à nous dénoncer en gang. Tant qu'elle veut la famille. Ou j'a sav c'est one man gang. En juin chité, on veut Valentine. Suffisant pour en retourner con avant. Gardez à l'entour. Le cap gade combien moun ka attend chuta. Le cap zami famille ou la pour faire saut. C'est mais c'est pas qu'important qu'est à yo. Carrière veut en mêler yo kabaudo. A pas yé de bon qui ka saut en gel à yo. Papa jadou pa fè yo confiance. Yo peke vyo ou monte piski yo. Gade alantou. Le kep gade konbyen moun ka observe yo. En fait mwen passe pou tinek. Pour te cerner yo. En se volant son pirate. Yo pe pa berner mwen. Yo pe pa cerner mwen. Ouais c'est mes c'est des tirades. Kas se zo an kon chien. Manke pelte yo. En se volant son pirate. En se volant son pirate. Give me more of your head.